Bonjour tout le monde et bienvenue dans un débat comics. Alors aujourd'hui c'est une grande émission avec pas beaucoup de personnes, donc ça veut dire qu'on va parler de Star Wars. Et ouais. J'ai avec moi Nebu. Oui, salut, bonsoir, bonjour, enfin ça dépend quand est-ce que bon matin, good morning, etc. J'espère que vous allez aimer ce podcast. Je pensais que tu l'aurais fait en japonais. Non, là pareil, Oyasuminasa, il n'y a rien qui vient là. D'accord, ok. Et pour nous accompagner pour le podcast, on a une invitée exceptionnelle, Madame Lucille Galliot, qui est directrice éditoriale de Star Wars chez Panini. Autant pour moi, sinon on n'aurait jamais eu Panini chez nous. Chez Pocket, chez Lidzi, et je crois que j'en manque un. Outre-Fleuve aussi. Ouais. Voilà, Outre-Fleuve, je savais qu'il m'en manquait. Alors, pas de madame avec moi. Hein. Bon, ben, Lucille, ça sera très bien. Ben, Lucille, ça sera très bien. Et d'ailleurs, on se tutoie. Hein. Et c'est vrai, on en a parlé en off, on va se tutoyer, ça sera plus simple. Donc voilà. Bonjour à tous. Ben bonjour. Donc du coup, aujourd'hui... Bienvenue aussi. Et du coup, aujourd'hui, gros programme, on va débriefer la Bad Batch. On va parler de Vision parce qu'il y en a un qui ne l'a toujours pas vu alors qu'il m'avait fait et qu'il m'avait engueulé parce que j'avais tardé de regarder les derniers épisodes de Mandalorian. On va parler des nouveaux projets qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Et on va terminer par une petite interview où on va pouvoir parler des romans de Star Wars. Allez, donc c'est parti, petit jingle pour la Bad Batch. Allez, c'est reparti, ça reprend. Donc du coup, la Bad Batch, c'est une nouvelle série qui est arrivée courant de l'été sur Disney+, qui a duré 16 semaines, si je dis pas de bêtises. J'ai pas regardé le nombre de semaines, excuse-moi. Mais voilà, tu me déçois. Bon, c'est pas ouais, vrai. Ouais, alors là, en vrai... Nombre de jours et nombre d'heures, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Alors, non, pardon, 15 semaines, ça a duré, et on a suivi l'équipe de la Clone Force 99 qu'on a pu voir dans la saison 7 de Clone Wars, juste au moment de la revanche des Sith, et je dirais un an après la revanche des Sith, et voilà. Alors, la série est sortie depuis un petit moment, le dernier épisode est sorti... le 13 août, donc ça fait 2 mois, on peut spoiler. On va pas spoiler. D'accord. Oui, non, sinon c'est bon. On l'a vu là. Tout le monde l'a vu. Voilà. Voilà. Donc, je vais faire une pause sur le podcast, allez les regarder et puis n'oubliez pas de remettre le podcast après. Oui, voilà. Alors, on va commencer par les dames. En premier, pour un premier avis, la Bad Batch. Comment as-tu trouvé cette saison 1 ? Alors moi j'ai découvert la Bad Batch avec la saison 7 de The Clone Wars, c'est-à-dire que je connaissais pas du tout, j'en avais entendu légèrement parler quand ils avaient annoncé la série, mais j'en savais pas beaucoup plus, et quand la saison 7 est sortie de The Clone Wars, j'ai vu l'arc qui leur était dédié. Il se trouve qu'en plus j'étais en train de traduire au même moment un livre pour Hachette, j'ai traduit le livre sur l'encyclopédie des personnages de The Clone Wars, qui sort là dans une semaine d'ailleurs. Et en fait, il y avait beaucoup de choses dans cette encyclopédie que je connaissais pas forcément. Et entre autres, ils avaient mis en lumière la Bad Batch. Donc je me suis empressée de regarder l'arc qui leur était dédié dans la saison 7. Donc je me suis un peu préparée comme ça à la sortie de la série. Et ensuite, la série en elle-même, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors j'ai passé un très bon moment, je trouvais ça assez agréable. Après, c'est clairement une série quand même pour les enfants. Donc il y avait de temps en temps, j'avoue, je m'ennuyais un petit peu, ou quand c'était tard le soir, ou je commençais un peu ma nuit devant. Mais voilà, il y a des épisodes qui sont plus ou moins bons. des épisodes plus ou moins filler. Après, moi, j'ai pas un avis catégorique sur les épisodes filler. C'est-à-dire que souvent, les épisodes filler, ils ont aussi leur intérêt. C'est-à-dire qu'on va, un petit peu ralentir le rythme, on va avoir une histoire qui sera pas passionnante, mais qui va avoir l'intérêt de développer plus la relation entre les personnages. Donc ça, il y en avait quelques-uns, et en fait, ils ont leur utilité aussi. C'est-à-dire que, voilà, au niveau de l'histoire, on n'avance pas trop, on a une histoire qui tourne un peu en rond, mais par contre, au niveau des personnages, on va avancer d'un grade, d'un cran entre... Entre Omega et les autres personnages de l'équipe, par exemple. Donc, ils ont leur intérêt. Voilà, donc en gros, une série chouette que je regarderai sans doute avec mes enfants à nouveau, parce que je pense que c'est vraiment adapté pour eux. Mais voilà, j'ai passé un bon moment. Après, c'était aussi parce que j'avais envie d'être au fait de ces personnages-là pour le livre que j'étais en train de traduire. C'était professionnel, quoi. Ouais, oui, non. Moi, je l'ai regardé avec mon mari. On était contents de se faire nos petits bad batch de temps en temps, par-ci, par-là. C'était agréable, mais on n'allait pas se faire trois épisodes de suite, quoi. On s'en faisait un, voire deux, mais après, ouais, sinon, vraiment, on s'endormait devant. mais bon, on a des journées bien chargées, donc il ne faut pas trop tenter le diable le soir. Mais voilà. Non, mais c'est aussi une série qui est chouette, qui se laisse regarder, qui est adaptée pour les enfants, et il ne faut pas lui en demander beaucoup plus, en fait. Moi, ça... Après, à partir du moment où on n'attend pas trop de choses... où on est bien calibré soi-même pour regarder ce genre de série, ça se passe bien, quoi. Il faut pas non plus avoir des attentes pour chaque truc que nous sort Lucasfilm, d'avoir des attentes de dingue, quoi. Faut être bien conscient de qui est visé, et puis de prendre le lore qui nous est offert à chaque fois, dans chaque épisode, où il y a un petit truc à boire et à manger, et c'est chouette. Et je sens que Nebu est totalement de ton avis. Ouais, alors justement, je vais rebondir tout de suite sur l'aspect pour enfants, parce que je suis d'accord avec toi, et en même temps, je me dis mince, c'est pas le cœur de, enfin, je sais pas, c'est pas le public principal, j'ai l'impression, les enfants, parce que comme tu dis, c'est fait pour les enfants, mais est-ce que véritablement les enfants ils regardent ça, tu vois? Ça c'est une question que je me suis posée, parce que Clone Wars, clairement. En vrai, pour moi, Bad Batch est la suite. C'est la suite de Clone Wars, hein, au même titre que Rebels. Hein, ça s'inscrit dans le même truc. Et Clone Wars, Bad Batch, Rebels, il y a. On peut dire c'est des dessins animés, c'est pour les enfants. Mais en vrai, sur le contenu, sur tout ce que ça raconte et tout ça, et puis même sur les impressions que j'ai eues, c'est pas les enfants qui regardent ça, quoi. Tu vois, enfin. As-tu beaucoup d'enfants autour de toi? Ouais, j'ai pas mal de gosses autour de moi, mes neveux, tout ça. Je suis parrain de quelques gamins. Et ils sont pas curieux plus que ça. Ils adorent les films, mais en vrai, Clone Wars, tout ça, ça les. Mais est-ce qu'ils ont Disney Plus? Oui, certes, ouais, mais ça les attire. D'accord, pas, donc quoi. Ils sont, voilà, ils ont la possibilité de le voir, mais ils le regardent pas. Ouais, parce que ça les attire pas au final. C'est donc du coup, je me dis en fait les gens qui regardent Clone Wars, c'est Clone Wars et Bad Batch, c'est les fans Star Wars. Classique, quoi. Donc, c'est, on va dire, des trentenaires, quoi. J'entends quand même pas mal de gens qui, aujourd'hui, ont 20 ans, tu vois, ou 20, 25 ans. On dit qu'ils ont découvert aussi Star Wars et qu'ils ont développé leur amour pour Star Wars grâce à The Clone Wars quand ils étaient plus petits, ils étaient ados, tu vois. Ouais, donc, ouais. Je pense que c'est quand même le cas. Après, c'est sûr que, on n'est pas sur des séries qui sont regardées par une majorité comme... Comme on a l'habitude, en fait, avec les grosses séries d'aujourd'hui dont tout le monde parle et où tu as la quasi-totalité des gens qui regardent les séries, qui vont les regarder, qui vont passer dessus, après, il faut se rendre compte qu'il existe une quantité de séries astronomiques. En fait, les gens, se répartissent sur ces séries. Tout le monde ne va pas les regarder. Des séries que tout le monde regarde, tu vois, genre peut-être Mandalorian va aller dans ces rails-là, mais... dans cette cour-là. Oui, voilà, non, mais c'est très bien. Ça en fait pas partie, ouais. Moi, je te parlais plutôt de l'aspect pour enfants, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas. Enfin, c'est pas comparable à, je sais pas moi, un Naruto ou un Pat' Patrouille, quoi, tu vois, enfin, ouais. Donc du coup c'est un peu ça que je trouve dommage, enfin dommage, c'est-à-dire que du coup ça prend pas assez de risques. Ben par exemple Clone Wars avait accepté que c'était pas vraiment pour les enfants, que c'était pour les ados et les adultes fans de Star Wars, ce qui fait qu'on avait des thèmes super bah, super dark, super adultes, super enfin moi j'ai vraiment adoré Clone Wars pour tout ça. Et Bad Batch, il l'a oublié, j'ai l'impression, ce genre de choses. Il y avait pas, c'était ça, on était vraiment dans l'esprit enfant, ouais, la famille, la gamine qui est le cerveau et qui va mener tout le monde. Voilà. C'est le seul petit regret que j'ai par rapport à Rebels et à Clone Wars que j'ai absolument adoré. Mais en vrai, Bad Batch, c'était plutôt cool, quoi. Mais il faudrait voir si aux États-Unis, ton analyse tient aussi. Ouais. Parce que, bon, de manière générale, Star Wars occupe une place dans le cœur des Américains beaucoup plus importante qu'en France. Et du coup, ça devient beaucoup plus un passage obligé. Et donc, ça serait intéressant de savoir si la majorité de ceux qui regardent The Bad Batch aux États-Unis, si ce sont vraiment la cible visée ou si c'est aussi, comme tu disais, des trentenaires ou en tout cas des grands adolescents. Après, ouais, je pense qu'aux États-Unis, c'est un peu différent et que c'est plus large, le public. Et du coup, que c'est peut-être plus... ils font vraiment pour un public différent encore de The Clone Wars, peut-être un peu plus jeune, en effet. Et que, de toute façon, ils ont ce public-là aux États-Unis, quoi. Tu vois, que ça marche et que ça prend. On va voir. Je sais pas. Ouais, parce que, bon, en France, les animés Star Wars, enfin, c'est pas mainstream, quoi, hein. Non, c'est sûr. Donc ouais, à voir effectivement, ce serait marrant de voir ça, mais sinon pour parler de la série en elle-même, c'est cool. Voilà, il y avait des épisodes filler, mais je suis à peu près d'accord avec toi, ça permet de créer des relations de personnages, donc moi ça m'a pas gêné du tout. Alors, en ce qui concerne les épisodes filler, je pense que c'est ces épisodes qui sont là pour les enfants, en fait, typiquement. Parce que c'est là où on va vraiment relâcher la pression. Et c'est là où moi, j'ai complètement perdu un Bad Batch sur certains épisodes que je disais, ah non, encore un épisode de Bad Batch. Parce que je pense que c'est vraiment ces épisodes filler, c'est fait pour les enfants, avec de l'humour beaucoup plus enfantin, on va dire. Ouais, je pense qu'on a aussi perdu l'habitude des séries où on avait une petite histoire qui suffisait à elle-même, un peu en répétition avec la structure habituelle. Enfin, toutes ces séries qu'on avait dans les années 90, avec lesquelles on a grandi d'ailleurs, enfin, je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi j'ai grandi avec les séries des années 90 où on avait un peu une répétition de structure, en fait, des séries. Et en fait, tu vois, je vois par exemple une série comme Code Quantum, où voilà, ça c'était vraiment moi, mon adolescence, ou je sais pas, l'agence touriste, encore pour plus âgés, mais où on avait vraiment tout le temps chaque épisode qui se ressemblait les uns les autres. Et en fait, ça nous convenait parce que on avait juste les personnages qu'on aimait, et puis. Ouais. On en parlait juste avant avec Jeff, ou par rapport à Mandalorian, puisqu'on faisait le rapprochement, parce que Mandalorian, il y a quelques petits épisodes filler, même s'il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Et en fait, c'est un peu la structure, voilà, pour aller dans ton sens, genre Stargate, tu vois, t'as des épisodes qui vont te raconter l'histoire, qui vont faire avancer les personnages et tout ça, et après, bah, t'as une chier d'épisodes au milieu où c'est la même structure, ils franchissent la porte, il y a un peuple qui est oppressé, ils libèrent, ils reviennent, quoi. Voilà, mais c'était toute la série était comme ça autrefois. Oui, ah non, en mais fait, autrefois. Là, dans les années, les années 90, et après, je pense que Mandalorian, il joue un petit peu sur ce côté revival, carrément. Depuis les années 2010, on n'a plus trop de séries comme ça, ça marche plus trop. C'est vraiment avec Game of Thrones, ça a été le cas, et puis toutes les séries depuis. Il nous faut des séries qui avancent à chaque épisode et où à chaque épisode on a quelque chose de neuf et de nouveau et qui surprend et qui te prend, enfin voilà. Et en fait, on a oublié ce que c'était que les séries, je pense, où il y avait une structure qui se répétait, qui peut-être pour les enfants est plus adaptée que d'avoir quelque ouais. chose, une histoire qui continue, comme si on regardait un grand film qui durait 10 heures. Bah, voilà, de toute façon, après, au-delà de ça, des séries en saison de 20 et quelques épisodes, ça n'existe plus, quoi, tu vois. Ouais. C'est très, très rare. Ouais, on avait ça chez les Anglais, en fait. C'est les premiers qui ont commencé à faire des séries avec 4 épisodes super longs, d'une heure chacun, et qui faisaient finalement un méga film à la fin. Et en fait, petit à petit, ça a pris le pas aussi sur les séries américaines. Et puis, aujourd'hui, vraiment, on a ce besoin d'avoir chaque épisode qui doit avancer, développer les personnages et faire avancer l'histoire et ne pas tourner en rond. Et on est vraiment en opposition avec les séries d'autrefois, quoi. Et bon, après, pour les enfants, à se demander si c'est quelque chose qui est bon pour eux ou pas. S'ils n'ont pas besoin justement de cette répétition, il n'y a qu'à voir les dessins animés. Si tu regardes les dessins animés que regardent nos enfants aujourd'hui, on a gardé cette structure-là, quoi. À chaque fois, tu as un principe, tu as des personnages, ils sont dans un lieu donné, et puis chaque épisode se ressemble vachement. Et après, il va y avoir des trucs sympas et cool qui vont être originaux, mais la structure va être la même et va se répéter, quoi. Du coup, ouais, il y a la question de se dire est-ce que c'est pas quelque chose de plus adapté pour les enfants ? Bah, moi, avec, je dirais que ça passerait question, s'il y avait plus d'épisodes, tu vois. Mais ce qui fait qu'on a la volonté de nous raconter, enfin, en tant que spectateur, j'entends, on veut nous raconter une histoire, c'est parce qu'on se dit bon, bah, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, les gars, donc racontez-nous des trucs, quoi. Il ouais. y a peut-être ça aussi, je pense, en tant que moi adulte. J'aurais bien aimé développer un peu plus Omega, toute l'histoire autour de sa création. Voilà. Mais bon, ça, peut-être ils se le gardent pour les saisons suivantes, hein, j'imagine. Oui, je pense, ouais. Je pense aussi. C'est sûr que j'aurais aimé en savoir plus son lien avec peut-être avec Boba Fett, son lien avec Django, est-ce qu'elle l'a connu. Enfin, voilà, tous ces éléments-là, ça m'aurait bien plu qu'on le développe davantage, ouais. Et puis pourquoi c'est une fille, quoi ? Alors, il y a aussi une vraie question. Pourquoi pas des éléments de réponse dans Book of Boba ? Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais je pense pas, parce que, je veux dire, pourquoi est-ce que... Bon, alors, je pense qu'ils vont faire des clins d'œil, c'est sûr. Mais pourquoi nous ressortir Omega alors que Book of Boba, techniquement, il se passe presque 30 ans plus tard. Alors, Book of Boba va explorer le passé, le présent et le futur de Boba. Donc, je croyais que c'était la suite de Mandalorian, en fait, que ça se passait dans le... Après, Omega, elle est comme Boba Fett, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un vieillissement accéléré. Donc, oui, voilà, mais je veux dire... Elle peut avoir le même âge que Boba Fett. Non, clairement, mais je veux dire, nous la ressortir maintenant, alors que c'est un personnage qui est apparu juste dans une série... qui semble être essentiel et on nous la pond 30 ans, ça va être le syndrome de « Ah ben, qu'est-ce qu'elle a fait ?» Et là, une nouvelle fois, ça va être bien, enfin, ça va être plutôt bien pour toi parce que ça veut dire qu'ils vont nous sortir plein de bouquins pour raconter alors, ce qu'elle est venue, qu'est-ce qu'elle a fait. Les deux. Après, j'ai envie de te dire que ça, c'est le syndrome Filoni. Parce que tu prends Rebels qui se passe des années plus tard, ils remettent Rex et Ahsoka qui étaient là dans The Clone Wars. On voit Kanan alors qu'il est dans le Padawan. Quand il est Padawan. On revoit Hera dans Bad Batch. Il y a quasiment aucun intérêt à part Filoni. Faire des liens. Après, voilà, on lui reproche de faire ça, mais les fans sont contents aussi, quoi. Oui, alors. Ça fait partie des choses où s'il n'y avait pas, on râlerait, et s'il y en a, on râle. Est-ce qu'on n'est pas les meilleurs des râleurs, les fans de Star Wars ? Ah, ça. Alors, moi, je suis un fan de Star Wars, mais je ne suis pas un vrai fan de Star Wars parce que j'aime tout Star Wars. Et un vrai fan de Star Wars, je chie sur à peu près tout ce qui peut chier. Donc, ouais, mais alors tu fais bien de retomber là-dessus parce que j'ai pas aimé les retcons de Bad Batch. Que tu prends le premier épisode, ben, j'ai jeté mon comics Canon qui était canon, maintenant il est légende. Du coup, et du coup, j'ai une il vraie... faut pas jeter. Non, mais je dis ça comme faut ça. Faut pas être dans l'excès. Je crois qu'il est dédicacé en plus, donc non, je vais pas le jeter, mais l'image est là. Et j'ai comme une vraie question pour toi. Est-ce que les seigneurs des sites qui est sorti et qui n'est plus vraiment d'actualité à cause de l'arc de Ryloth, est-ce qu'on va pouvoir le badger les jeunes? Non, alors bien sûr, il n'y a pas de retour en arrière sur les titres qui sortent comme étant canon. Il y a aussi la question du roman Ahsoka qui s'est posée avec la saison 7 de Clone Wars. Ah, j'allais t'en parler, ouais, justement. Voilà, où il y a eu quelques éléments qui ont aussi été en discordance, mais forcément, il y avait aussi plusieurs années qui sont passées entre les deux. Le discours qu'il y a de Lucasfilm à Poe, c'est de dire que ce sont des histoires racontées à travers les romans et que rien ne nous dit que tout est exactement tel que ça a été raconté. À chaque fois, on passe à travers différents regards qui font que le résultat final peut varier, mais que ce qui est important, c'est que le récit final soit identique. C'est-à-dire que, par exemple, que Kanan, bah, il a bien été dans une situation où son maître a été abattu sous ses yeux, qu'il a été poursuivi par des clones qui venaient de recevoir l'Ordre 66, etc. Et ça, c'est maintenu. Et en fait, après, les détails, ça peut varier. C'est un petit peu aussi ce qu'ils disent par rapport aux Legends, c'est-à-dire que tout ce qui est Legends, ça ne veut pas dire que c'est à mettre à la poubelle, là encore, au contraire. Il ne faut pas oublier qu'en fait, le Story Group et tous les gens qui bossent à Lucasfilm depuis que Disney a racheté, c'est les mêmes que ceux qui bossaient à Lucasfilm avant que Disney rachète. Et que c'est des gens qui sont extrêmement attachés à ces récits de l'univers étendu, et aujourd'hui Legends, mais ils y sont extrêmement attachés. Donc, il n'y a aucune vision dédaigneuse en fait de cette période là. C'est eux qui l'ont créé aussi, tu vois. Donc en fait, la seule chose, c'est qu'au moment du rachat de Disney, il a bien fallu mettre une différence entre ce qui allait être créé à partir des nouveaux films, qui ne pouvaient pas reprendre tout ce qui avait été fait en littérature parce que c'était trop gigantesque. Il fallait faire table rase pour qu'il y ait de l'espace pour de nouveaux films. Là-dessus, moi, je le comprends, hein, intellectuellement, c'est tout à fait compréhensible, même si je le regrette pour certaines choses qui, moi, me tenaient à cœur, mais voilà, je le comprends. Par exemple, peut-être le fait d'écrire des films quand on dit qu'on va faire une trilogie plutôt que d'en faire un, et puis on va voir. Donc, voilà, le côté Kadavrevski de la nouvelle trilogie, en effet. Exactement, mais ça, c'est la bonne expression. Effectivement, on a l'impression qu'effectivement, ils étaient sous acide et ils l'ont fait comme les... Voilà, du Kadavrevski, c'est ça. Bah, chacun se refilait, en fait, oui, voilà. Ah, bah, il n'y a pas que moi qui l'ai dit. Mais si tu veux, il y a ça... Et en même temps, il y a vraiment l'idée qu'il n'y a pas du tout de dédain sur le Legends. Au contraire, ils l'aiment tout autant que nous. Et forcément, ils vont vouloir aller piocher dedans et tout. Bon, tout ça pour dire, c'est un peu le même discours qu'ils tiennent pour les deux. C'est-à-dire que sur tout ce qui est retcon et ce qui est de l'usage du Legends, ils vont avoir un peu le même discours qui est de dire il peut y avoir des différences, il y aura toujours des petites différences, on n'arrivera jamais à complètement les empêcher, parce que quand on travaille sur énormément de supports en même temps avec des artistes différents, des auteurs différents qui travaillent tous en même temps, en fait, à chapeauter pour que tout soit absolument cohérent, c'est impossible. Donc, non, mais on va pas se mentir, hein, l'univers qui est maintenant légende, c'était un bordel sans nom aussi à l'époque. Ouais. Hein, je veux dire, tu passais la timeline, elle était incompréhensible. T'avais des bouquins sur des Stormtroopers zombies, enfin voilà quoi, Donc, c'est pas oui, pour rien qu'aujourd'hui, ils évitent de mettre les dates quand ils annoncent les livres, parce qu'ils savent que ça, c'est super casse-gueule. En effet, c'est vachement utile pour le lecteur, en fait, pour ranger, organiser sa bibliothèque, mais en fait, ça a entraîné des casse-têtes sans nom, quoi. Donc, maintenant, ils préfèrent dire ça. Donc, on a un ordre qui est donné, mais sans les dates précises. Et même donner les ordres, l'ordre chronologique, c'est assez compliqué parce que tu as beaucoup de livres qui se déroulent sur plusieurs années ou qui se déroulent sur plusieurs timelines parallèles. Donc choisir quelle timeline on prend pour le ranger et à partir de la date du début ou la date de la fin ou la date du milieu où il y a l'événement le plus important, enfin à chaque fois c'est assez complexe quand même pour organiser. Et voilà, donc tout ça pour dire que les problèmes de cohérence, il y en aura toujours, ça c'est sûr. Que je pense, depuis qu'on est dans le canon, a été mis en place le story group, entre autres, mais pas que, pour essayer de veiller à ce qu'il y ait le moins d'incohérences possible. Il y en aura toujours. Aussi parce que pour passer d'un roman ou d'un comics à une série ou un film, on n'a pas les mêmes contraintes. Et que forcément, il y a des choses qui seront parfois plus simples pour une série filmée ou pour un dessin animé de faire tel ou tel choix que n'aura pas fait le livre. Enfin, voilà. Donc il y a plein de choses qui rentrent en compte et qui font que des petites incohérences, il y en aura toujours, quoi. Et donc, d'où ce discours qu'a mis en place Lucasfilm, de dire il faut prendre les choses avec plus de légèreté que ça, ne pas être non plus complètement pointilleux, et puis de se dire tout ça, c'est un récit raconté. On commence tous les livres en disant il y a bien longtemps, une galaxie lointaine, très lointaine. Voilà, donc il y a l'idée d'un récit qui est rapporté, et donc forcément il y aura des petites incohérences, un peu comme une Bible, une chronique, tu vois, avec plusieurs Nouveau Testament raconté par quatre évangélistes qui font des qui ont les mêmes récits de base, mais il y aura des petites différences les uns avec les autres. Voilà, je pense qu'ils sont dans cette optique là. Ouais. On parlait de la Bad Batch, non ? Oui. je parlais des Redcon qui étaient. Il y en a qu'une, quoi. Enfin, deux. Allez, deux, et c'est pas des trucs majeurs. Oui. Alors, moi, pour parler d'Ahsoka, que je connais mieux, parce que Les Seigneurs des Sith, c'était avant que j'arrive. Donc, je suis directrice de collection chez Pocket depuis 3 ans. Et voilà, donc du coup je connais bien les titres qu'on a sortis depuis que je suis arrivée, mais Seigneur des Sith c'était avant moi, donc je le connais un peu moins bien, ce titre là mais pour ce qui est d'Ahsoka par exemple, que j'ai édité, qu'on a publié donc l'année dernière. Attends, garde-en pour l'interview, parce que ça je pense qu'on en parlera sur l'interview, parce que j'aurais des questions à te poser là-dessus, sachant qu'Ahsoka... Même sur les retcons et tout, parce que coup... Ouais, je pense que... Il n'est pas de gros fan des romans, donc on va essayer de garder au moins le roman qu'il aime bien. Voilà. ok, bon, j'en dis pas plus, alors. donc ouais, non, c'est vrai que à part ça, les épisodes qui sont liés à l'Empire sont prenants. La chute de Kamino, c'est trois épisodes qui sont exceptionnels. Et pas fait pour les enfants. Après, il faut pas prendre les enfants non plus. Oui, non, carrément, ouais. Et on regardait Dragon Ball Z, et Senseiya. Ouais, non, mais c'est ça. Ça structure aussi. Regarde tous les Disney, ils sont toujours avec des tragédies de fou, quoi. Tu commences Bambi avec la mort de la mère. Enfin bon. Non, mais c'est vrai, il faut arrêter de penser que les histoires pour enfants doivent être forcément... Enfin, depuis toujours, on a compris que les enfants aussi se structuraient avec l'histoire de l'opposition entre le bien et le mal et des histoires tragiques. Donc, ça me semble vraiment être un dessin animé pour enfants. Après, il ne faut pas qu'il y ait de gore ou qu'il y ait chez Disney, ça risque pas, quoi. Oui, non. Voilà, bon, puis c'est toujours l'intérêt des sabres laser, c'est que ça coupe nettement. Voilà, exactement, ça cautérise direct. Non, mais bon, tout ça pour dire que moi je pense que si, c'est quand même fait pour. Moi je dirais à partir de 8-10 ans, quoi. Oui, voilà, c'est à peu près l'âge. Alors, on va légèrement avancer, même si je sais que Nebu ne l'a pas vu. Une série où il y a beaucoup d'épisodes qui sont faits vraiment pour des enfants et peut-être même du 6-8 ans, c'est Star Wars Vision, qui est sorti il y a quoi, 3 semaines de ça déjà ? Je sais plus. Un peu moins, je crois, 2 semaines. Non, 3 semaines. Le 22 septembre. Oui, ça fait plus de 3 semaines parce que je te rappelle qu'on est le 17. Le 14. Ouais, aïe, aïe. Oh là. Bon, ça fait 3 semaines. Oui, bon, bref, c'est pas important. Et voilà. Alors, est-ce que. Je sais que Nebu, toi, tu ne l'as pas vu. Mais est-ce que toi, Lucille, tu l'as vu ou pas du tout, Star Wars Vision ? Ouais, j'ai pas tout vu. Il m'en manque deux. Que j'ai pas pu encore, j'ai pas eu le temps de les regarder, mais j'ai regardé les 7 premiers. Voilà, il me manque les deux derniers qui sont en plus des pas mal, je crois. Alors, les deux derniers, il y a Lopez and Ocho qui... Lopez and Ocho et Aka Kiri. Ouais. Et voilà, alors, Lopez and Ocho est exceptionnel. Aka Kiri, alors c'était peut-être parce que je les ai tous regardés à la suite, mais celui-là, je l'ai trouvé. Long, mais j'en dirai pas plus. Parce tu les as tous regardés à la suite, mais alors c'est fort quand même, parce que moi j'avais vraiment le sentiment qu'il fallait se les regarder petit à petit pour vraiment. Chacun a tellement son univers et son mode de. Et son style graphique très très très différent les uns des autres, que chacun. J'avais le sentiment vraiment qu'il fallait les savourer les uns. De façon indépendante, quoi. Pas... En plus, si tu veux, il y a souvent un peu des... On sent que les studios ont fait leur boulot chacun de leur côté sans forcément se refiler les scripts les uns aux autres, parce que souvent, il y a des répétitions, c'est rigolo d'ailleurs. Il y a cette phrase qui revient souvent, j'ai un mauvais pressentiment, ouais. Voilà, et c'est rigolo parce que tu te dis, s'ils avaient su vraiment que les autres le faisaient tous, ils ne l'auraient pas fait. Donc je pense qu'il y avait vraiment cette idée que chaque studio bossait dans son coin. Alors ça, je ne suis pas forcément d'accord parce que j'ai un mauvais pressentiment. Il revient dans les 11 films. Ah oui, dans tous les films. Bien sûr. Ouais, mais là, l'effet, tu regardes justement, si on fait comme toi, on va se regarder les 9 épisodes à la suite, du coup, on se dit vraiment, oh là, ouais, bon, ok, j'ai compris. Mais ça faisait un petit peu répétitif. Mais. Tu penses que c'était volontaire? Ils se sont dit, il faut tous qu'on l'ait au moins une fois. Je pense que... C'était dans le cahier des charges. Oui, voilà. J'allais dire une espèce de bingo, mais le cahier des charges fonctionne très bien. Mais c'est vrai que dans... Si, alors, à part que la force soit avec toi, j'ai un mauvais pressentiment. C'est quasiment une des phrases qu'on attend le plus dans un Star Wars. Voire même dans... Ouais, dans mais au milieu d'un film de 2 heures, tu vois, il faut pas... Alors que là, bon, comme chaque épisode dure plus ou moins longtemps, mais sont quand même assez courts, voilà. Bon, c'était une petite remarque comme ça. Ah oui, non, mais... Alors, après, honnêtement, j'aurais préféré que Disney nous en sorte un par semaine, j'aurais beaucoup plus apprécié, et ça nous aurait permis d'attendre moins longtemps pour Book of Boba. Mais bon, ils ont voulu tous sortir d'un coup, je me suis dit bon. Ça a été au dernier moment que ça a été décidé de les sortir tous d'un coup. C'était pas prévu à la base. Ça a été un peu la surprise. Je sais pas pour quelle raison. Il y a dû, sans doute il y avait une réflexion derrière ça qui les a poussés à le faire. Soit c'était lié à la façon dont le public recevrait les 9 épisodes. Ils se sont peut-être dit il vaut mieux avoir les 9 d'un coup pour qu'il y en ait forcément un ou deux qui plaisent et que sur la totalité et que du coup l'avis soit positif plutôt que d'avoir du bashing sur tel épisode qui n'a pas été plu pendant une semaine et donc avoir un effet plus positif de manière générale, soit ça peut être des raisons toutes bêtes de diffusion d'autres séries et que du coup ils ne voulaient pas que ça prenne trop de place, quoi. C'est possible aussi, hein. C'est possible. Et du coup, Nebu, pourquoi tu n'as pas regardé Star Wars Vision ? Alors, en fait, la version officielle, c'est que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de me poser pour les regarder. Et la version officieuse, c'est qu'au final, le temps, je l'ai pas pris pour les regarder parce que ça, c'est pas que ça m'intéresse pas. Je vais les regarder parce que je regarde tous les contenus Star Wars. Mais bon, bah, je me dis ouais, c'est pas canon, c'est une expérience à côté. Donc je manque rien si je les regarde pas quoi maintenant, tu vois. Donc je les regarderai, mais pas maintenant quoi. Enfin, tu vois, ça me manque pas quoi. Et tu verras. Alors, je pense que la méthode de regarder un épisode de temps en temps, c'est vraiment la bonne idée. Mais tu verras, il y a certains épisodes où tu vas devoir t'accrocher pendant 15 à 20 minutes qu'ils passent. Ouais, d'accord. Voilà. C'est comme ça, je te motive un peu plus. Ouais, génial, merci. Non, mais je les regarderai, c'est clair, parce que c'est Star Wars et que je veux regarder tout ce qu'il y a de Star Wars. Mais je veux dire, j'ai déjà subi, on va dire, l'expérience sur Matrix et sur Halo à l'époque, de faire des univers, des animés pour faire des animés au final, qui font pas spécialement avancer l'histoire et qui font, on va dire, la part belle aux expériences annexes. Et donc, bon, c'est pour ça que je me dis, bon, j'ai le temps de les regarder, quoi, tu vois. C'est clairement des exercices de style, ce qui absolument pas avancer l'histoire générale de Star Wars, mais ça offre une expérience complètement inédite et qui est très rafraîchissante à mon sens, de se dire bon bah si on a donnons à des gens, donc là c'est des studios japonais, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre, donnons à des gens en fait la possibilité de faire l'histoire qu'ils veulent. Dans Star Wars, qu'est-ce qu'ils créeraient, donc des gens talentueux hein, pour le coup, et qui peuvent donner un éclairage complètement nouveau, qu'est-ce que ça donnerait? Et en fait c'est juste passionnant de voir quel est qu'est-ce qui va être mis en lumière, qu'est-ce qui va être souligné, qu'est-ce qui va être mis en premier plan, qu'est-ce qui va être mis, enfin là on peut voir que tous ces studios donc d'animation japonaise qui sont donc avec un prérequis un peu identique avec une histoire commune vont nous créer déjà des choses complètement différentes les uns des autres avec des animations extrêmement différentes les unes des autres. Et là je pense que toutes les personnes qui ont baigné dans le dessin animé japonais étant enfant, ce qui est peut-être pas votre cas, je sais pas, selon votre âge, mais j'en ai pas mal discuté avec des amis autour de moi qui sont pareils, qui sont des enfants des années 80, 70, fin 70, 80, et on a grandi avec des animés, et la culture japonaise a été vraiment dans notre enfance. Et voilà, et en fait, ces gens-là, ils ont retrouvé aussi pas mal de choses de leur enfance. Et puis, je te rassure, hein, voilà. J'ai jamais déconnecté de cette culture-là, hein, parce que moi j'ai 36 ans, hein, donc je les ai connus, hein, les animés du Club Dorothée. Mais j'ai continué à mater des animés japonais. Donc c'est pour ça aussi que je suis curieux, mais c'est pas un speed, parce que je continue des animés japonais actuels, j'en regarde plein, tu vois. Et je me dis que, enfin, ça sera, ils sont mieux que Star Wars, tu vois. Donc oui, je le prends comme un exercice de style, mais du coup, vu que ça n'a aucune importance sur l'histoire ou pas, tout ça... Il n'y a pas d'urgence à les regarder. Exactement, c'est ça. Non, mais carrément, mais c'est tout l'intérêt de la plateforme Disney+, c'est que tu les as sous la main, tu les regardes quand tu veux. Voilà, exactement. Ouais. Et c'est très bien comme ça. Ils sont à savourer par petites... par petits bouts, et c'est bien comme ça, quoi. Ok, je note. Après, t'as eu un préféré, toi, Jeff ? Oui. Alors, j'ai eu des préférés. Avant de dire mon préféré, quand même, pour revenir un peu, ça ne fait pas avancer Star Wars. Là-dessus, tout le monde a raison là-dessus. Par contre, pour le lore, je trouve que ça peut amener certaines choses que même moi, au début, je vais m'inspirer pour la campagne de jeu de rôle. D'accord, ok. Parce que ça t'amène... Tu penses à quoi ? Tu penses au 9e Jedi, peut-être ? Pas forcément le 9e Jedi. Les jumeaux ? Pas les jumeaux. Les jumeaux, je les trouvais décevants. Mais plutôt la mariée du village, qui est le 4e épisode. L'Open Ocho, qui est l'avant-dernier. D'accord, que j'ai pas vu, du coup. Ouais. Donc, je vais pas spoiler. Et voilà, il y a certains épisodes comme ça qui amène une vision différente du lore de Star Wars, et vu que ça se passe dans une galaxie lointaine, très lointaine, on peut supposer qu'il y ait certains mondes qui aient pu ressentir les choses comme ça. Et je trouve que la mariée du village s'inscrit parfaitement durant la guerre des clones. Ça aurait pu se passer comme ça quelque part dans la galaxie pendant la guerre des clones. J'ai lu aujourd'hui que... Parce que c'est pour ça que je te disais sur le 9e Jedi. J'ai lu aujourd'hui qu'en fait, le réalisateur de l'animé avait déjà développé tout un lore autour de son épisode et qu'il n'attendait qu'un seul geste de la part de Lucasfilm pour développer ça. Donc forcément, c'était une main tendue auprès de tous les fans pour faire du bruit sur les réseaux sociaux et réclamer ça à grands cris. Mais voilà, on sent en effet qu'il y a certains épisodes où on sent qu'il y aurait de quoi creuser, développer autour, même si on est hors canon et même hors légende. Il y aurait de quoi inventer tout autour de ces personnages-là qui, pour certains, sont pleins de promesses, quoi. Et du coup, pour répondre à ta question, mon épisode favori, et j'aurais bien voulu le voir en dernier pour histoire de me dire qu'il n'y aurait jamais eu mieux que cet épisode, c'était le premier, c'était le duel. Ouais. Qui a un style graphique vraiment différent de tout ce qu'il y a pu y avoir dans cette saison de Vision. Et j'ai trouvé l'histoire juste géniale. Et je sais qu'il y a eu le roman qui a été fait autour de cet épisode qui s'appelle Ronin, le roman, et qui sort en juillet prochain chez Autre Fleuve. Tu vois, je te fais la promotion comme ça. Et oui, forcément. Enfin, bon, moi aussi c'est mon préféré alors pas parce qu'il y a le livre, déjà quand j'avais vu les différentes bandes annonces avec tous les visuels, c'est lui qui avait attiré mon œil en premier. Je suis moins fan de l'animation japonaise un peu plus ronde et qu'on a de, par exemple, de Tatooine Rhapsody ou de To Be One, là les Pinocchio à la sauce Star Wars. Je suis moins fan de ce côté-là. The Twins, les jumeaux, je les trouve un peu trop sous acide, oui. Un peu trop tout le temps, trop intense, quoi. The Elder, bien aimé le moment du duel, mais j'ai trouvé le début extrêmement laborieux, le dialogue au début entre le maître et l'apprenti, j'ai trouvé ça très long et très répétitif. Mais le duel, alors vraiment, le style graphique te prend vraiment par surprise, parce que on avait vu des images qui étaient super cool, badass et tout, mais je ne m'attendais pas du tout à cette animation-là extrêmement saccadée. Donc ça a été une surprise, donc surprenant, et en même temps, bah, ça finit par... à la fin de l'épisode, tu ne le sens plus, en fait. Tu l'intègres vraiment dans ta façon de regarder le dessin animé. Et voilà, donc en plus, forcément, je savais déjà à ce moment-là qu'il y avait le roman, que j'avais déjà même pu poser mes yeux dessus, je t'avouerai, j'avais déjà le texte. Et j'ai été surprise d'ailleurs de voir que le début du roman, en fait, novélisait l'épisode. Donc en fait, le roman commence avec l'épisode, raconte l'histoire. Donc en même temps que je voyais le truc, je disais, mais je l'ai lu. Et voilà, donc j'ai compris que c'était le début du roman. Et ensuite, on développe l'histoire de ce personnage. Et on va revenir sur les différents... certains personnages qu'on a vus dans l'épisode et puis d'autres qui vont être introduits. Voilà, donc on le sort en juillet chez Outre Fleuve. Ça va être... donc c'est dans quelques mois. On a bien conscience que c'est pas tout de suite. En même temps, l'intérêt de le sortir chez Outre Fleuve, c'est qu'on va avoir un grand format. Et que on va pouvoir garder les superbes illustrations intérieures, la couverture qui est vraiment top, la mettre vraiment en beauté, quoi. Par rapport à un poche, forcément, avoir un grand format, ça a ce bon côté-là. Et voilà. Et en fait, Outre Fleuve n'a pas énormément de titres à l'année, et donc forcément, il n'y avait pas, on pouvait pas le sortir tout de suite en début d'année. Il y avait d'autres choses de prévues. Donc c'est pour ça qu'on va devoir attendre un petit peu. Mais comme on disait, en fait, c'est hors du temps, c'est hors événement, cette série. Il n'y a pas d'urgence, en fait. Elle sera toujours sur Disney+. Les gens continueront à la découvrir au fur et à mesure de l'année. Et donc, juillet, c'est aussi bien. C'est pas comme si c'était un film qui sortait à telle date et qu'il fallait quelque chose autour, quoi. Donc, donc là-dessus, on n'est pas trop inquiet que... voilà. Donc on est bien content de pouvoir sortir ce petit bouquin qui va sortir vraiment de la collection et ouais du lot. C'est pour ça aussi qu'on le sort chez Outrefleuve, pour vraiment dire bah voilà, on est dans quelque chose qui est différent, qui n'est ni du canon ni du légende, c'est autre chose. Et en même temps, ça peut aussi attirer des lecteurs qui ne lisent pas Star Wars d'habitude et qui vont se dire ah bah tiens, pour celui-là ça me dit bien, parce que c'est un one shot, c'est pas, il y a pas besoin d'avoir lu 30 livres pour se lancer dedans, et ça a l'air différent, et voilà, on espère aussi pouvoir séduire un lectorat un peu différent. Eh ben, il me tarde de voir cela. Alors, pour que Nebu se sente un peu plus concerné quand même, parce que... Ah, mais je suis concerné, hein. Moi j'ai intervenu, il n'y a pas de souci. Non, mais ça va, je plaisante, t'inquiète. Je vous propose qu'on passe au niveau des futures sorties. Alors, quand on parle futures sorties Star Wars, c'est qu'on va vraiment évoquer beaucoup de choses qui sont annoncées, que ce soit en film, en série, en roman et en jeu vidéo, parce que je crois qu'on va bientôt avoir une annonce pour un jeu vidéo. Donc voilà, on avait fait la même chose avec Nebul l'année dernière. On s'était pas forcément beaucoup trompé, un peu peut-être, oui, pour la date de sortie de Mandalorian saison 3. Bon, on s'est fait, oui, vraiment avoir. Tout le monde par surprise, ouais. Mais voilà. Alors. Je pense que tout sera officialisé dans un mois avec la Disney Plus Day qui devrait peut-être confirmer les dates, qui va être le grand event pour annoncer toutes les futures sorties contenues sur Disney Plus. Et du coup, en série, le dernier mercredi de l'année, le 29 décembre sort la série Book of Boba. Ouais. Quoi, ouais, t'as pas l'air. Ben ouais, enfin. Si, carrément. donc voilà. Alors, ça va se passer après la saison 2 de Mandalorian. On devrait peut-être revoir le Mandalorian dans Book of Boba, même si rien n'a été confirmé. Et il devrait également explorer le passé le plus profond de Boba. Il va explorer ce qui s'est passé après l'épisode 5. Également, donc on devrait avoir beaucoup d'informations sur Boba, et il y a des folles rumeurs qui tournent, l'apparition de Cad Bane. Moi je mets quand même une petite pièce sur Omega, pour un petit clin d'œil quelque part quand même, j'y ouais, crois. Ok. Elle aura un certain âge, hein. Moi je ne fais pas de pari sur Omega, là. Je trouve que c'est un peu trop tôt. Ouais, mais ça se tente, tu vois, parce que je crois que Filoni est à la réalisation d'un épisode, et là, on peut tenter le combo Cad Bane et Omega. Ah, alors après, là où je suis d'accord avec toi, dans le sens on va pouvoir nous balancer plein de persos, c'est que autant sur la saison 1 de The Mandalorian, fallait poser le personnage, fallait poser les enjeux, il y avait Bébé Yoda et tout ça. Et au final, pour avoir les clins d'œil et les guests, entre guillemets, on a attendu la saison 2. Alors que là, Boba Fett, bon, bah, il est ultra connu, ultra célèbre. On l'a déjà introduit de plein de manières. Donc, c'est vrai que je pense que ça va être, moi, j'adore ça, hein. Donc, c'est pas une critique quand je dis ça, mais j'espère que ce sera une série fan service, quoi. Oh, je pense qu'il y a des bonnes chances, hein. Oui. Et donc là, moi, ça c'est le personnage Boba Fett, c'est le personnage qui est un fan service à lui-même. Enfin, oui, lui-même. Bon, déjà, donc, oui, c'est vrai. Ouais. Donc il y a des chances pour qu'ils sachent que les gens qui vont regarder cette série, ils attendront ça. Donc à mon avis, ils vont se faire plaisir. Oui. Donc voilà. Alors, Book of Boba, il n'y a pas le nombre précis d'épisodes, mais je pense qu'on va être sur 8 épisodes, un peu comme Mandalorian. Donc ça devrait nous faire 2 mois. D'accord. Ok. Ah, 2 mois ? Non, pas 2 mois. Attends, si. 4 fois. Ah oui, d'accord. Ouais, si. Attends, ça passe vite. Ah oui. Et pour l'instant, ils n'ont pas l'air d'annoncer une deuxième saison. Ça serait du one shot ou pas ? Je ne sais plus. Pour le moment, je crois que c'est du one shot et pourquoi pas. Honnêtement, moi, les mini-séries, on voit une saison, c'est terminé, on plie bagage et on passe à autre chose. Je trouve ça génial. Oui. Ouais, en effet. Donc, après, il faut qu'ils aient déjà prévu. Le problème, c'est que certains se disent, bon, on fait un one shot et puis après, on fait quand même une petite ouverture pour que si jamais ça fonctionne super bien, on ait de quoi raconter et faire une saison 2. Et du coup, si jamais ils décident de ne pas la faire, bah, cette petite ouverture reste lettre morte. Parfois, c'est un peu dommage. Oui, bon, après, c'est Star Wars. L'avantage, c'est que c'est un univers étendu. Si on n'a pas la suite sur Disney+, et qu'on n'a pas la suite sur Mandalorian, on peut la voir en comics. Un bouquin. Ou en roman, exactement. Ouais. Donc voilà. Alors ça, c'est pour Book of Boba. On a la date, on est sûr. Là maintenant on va un peu se mouiller parce que les rumeurs disent que Obi-Wan va arriver en mai. Je veux bien croire cette rumeur, donc du coup je pense qu'après Book of Boba on va continuer sur Andor qui a été tourné avant Obi-Wan et qui s'est terminé au niveau du tournage un peu après Obi-Wan, mais j'y crois. Toi, tu penses qu'Andor sortira là au printemps, quoi. Enfin, fin de l'hiver, printemps, quoi. Avant Obi-Wan. Ouais, en mars. D'accord. Pareil, je pense qu'on va garder ce format de 8 épisodes, ce qui va nous amener en mai pour Obi-Wan. Ok. Bah écoute, moi, je ne ferai pas trop de pronostics. Je me mouillerai pas. Sachant que le mois de mai, on a les 20 ans de l'attaque des clones. Ouais. Oui. Donc, c'est vrai que c'est un bon anniversaire pour lancer Obi-Wan. 20 ans déjà, aïe. Et ouais, c'était 2002, ouais. Et qu'on en parlera tout à l'heure, mais il y aura aussi un roman qui va sortir au mois de mai qui sera sans doute un compagnon à la série. Aux États-Unis, il va sortir au mois de mai Brother. Oui, c'est vrai. Donc, on va en parler dans quelques minutes. Donc voilà, il y a des possibilités pour que ça soit. Tout ça donne plutôt du poids à la rumeur, en effet, pour le mois de mai. Donc du coup, Andor, c'est la préquelle de Rogue One. Hein, donc voilà, je vais vous spoiler, mais le personnage meurt dans Rogue One. Voilà, hein, vous savez pas. Donc il ne faut pas s'attendre à 10 000 saisons, mais pourquoi pas une saison 2, il y a déjà des rumeurs là-dessus. On n'aurait pas Ketu Esso dans la première saison, donc il faudrait espérer une deuxième saison pour le voir. Oui. Droïde. Ouais. Le droïde, oui. Mais à voir, en vrai, moi je suis curieux de cette série, parce que je me dis que c'est Disney qui l'a produit, et que le personnage, on nous l'a balancé quand même comme un très... comment dire, en marge. Enfin, c'est un assassin, quoi, quelque part. Qui comment dire n'hésite pas à utiliser des moyens on va dire pas très moraux pour sa cause, et pour moi Andor est pas vraiment sur une série. J'ai été très surpris quand ils l'ont annoncé, parce que pour moi c'est pas un personnage compatible Disney personnage principal, quoi, tu vois. Donc du coup je suis très très curieux et impatient de voir qu'est-ce qu'ils vont faire de cette série. Ouais, bah là on peut aussi avoir beaucoup de caméos parce que voilà, on est période de création de la rébellion. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent quand même être sympas. Et puis parfois, je pense que là où on les attend le moins, c'est là où ils ont le plus de liberté de création et où on peut être surpris, agréablement surpris, et puis être. Ouais, ils peuvent avoir plus de liberté, parce que sur un Obi-Wan Kenobi ou Ben voilà, c'est les gens savent déjà à peu près l'histoire qui est censée être racontée. Alors ils vont essayer de prendre quelques libertés, mais voilà, sous quelle forme, on ne sait pas trop. Mais ils sont un peu plus à l'étroit. Alors qu'une série comme Andor, ben là, ils ont vraiment. Oui, ouais, ben comme le Mandalorian à l'époque, quoi. Mais et encore, le Mandalorian, il vient de nulle part, quoi. Donc du coup, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient, quoi. Exactement. Puis ils se mettaient dans une zone de la galaxie où. Oui. Même post-Empire, bah, ils étaient tranquilles, ils pouvaient quand même avoir des Stormtroopers s'ils voulaient, expliquer comment est-ce qu'ils étaient encore là, ils pouvaient... Donc, et on n'était pas obligé de croiser le Big Three à tout moment, parce qu'on était loin du noyau. Donc voilà, c'était assez confortable. Là, je pense que c'est pareil. Donc, par contre, on aura peut-être quand même pas mal de monde. Je pense qu'on va avoir des Mon Mothma et autres. Leia, là, et ouais. Voilà, Leia, alors à voir s'ils osent. Sinon, voilà, ouais, encore une rétractrice. Pourquoi ? Non, pas forcément. Mais est-ce qu'ils vont oser avoir une actrice, prendre une autre actrice et qui et comment et voilà, c'est ça qui va être la grande question. Mais on va voir pas mal de monde passer, je pense. Mais après, en termes d'histoire, ils vont avoir quand même les coups des franges, quoi. Ça, c'est bien. Donc Andor, moi aussi, je l'attends énormément. On met du coup, donc on avait dit Obi-Wan avec, on nous l'a déjà bien annoncé et spoilé avec le combat du siècle, Obi-Wan, Dark Vador, round tout avant le troisième round qui se termine par la mort d'Obi-Wan. Ouais. Pardon, je spoil encore une fois la série, c'est vraiment mal, quoi. Là. Non, il y a toute la question de savoir comment est-ce qu'ils veulent nous faire ces affrontements-là, sous quelle forme, est-ce que ça sera des visions, est-ce que ça sera des souvenirs, est-ce que ça sera des cauchemars, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent être développées autour de la relation entre Anakin et Obi-Wan. Moi, j'espère vraiment qu'ils vont pas aller nous inventer des où ils se croisent pour de vrai et voilà, ça n'aurait aucun sens à mes yeux. Ça me ferait mal au cœur. Non, mais je pense, bon, après, s'ils veulent le faire, ils trouveront peut-être une petite galipette pour expliquer ça, mais j'espère que non. Après, j'ai en tête le roman Kenobi, je sais pas si l'un de vous en a entendu parler de ce roman. Alors, roman Legends. J'en ai entendu parler et je vais t'avouer quelque chose. Le jour où on a annoncé que l'univers étendu deviendrait Legend, j'ai arrêté le Legend. Ouais, pareil. J'étais en plein dans la collection, moi, à l'époque, c'était les comics. Legacy. C'était très bien, les Legacy, pourtant. Qui étaient vraiment géniaux, mais du coup, bah, vu qu'ils ont dit, bah, on arrête le Legend, bah, j'ai arrêté de les acheter. J'ai arrêté la collection, je l'ai même pas fini. Oui, en fait, ce roman-là, il est sorti en effet peu de temps avant le rachat par Disney, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, c'est John Jackson Miller. C'est un livre que je conseille à lire, qui est de fait Legends, mais qui pourrait aussi être dans le canon. C'est une raison pour laquelle j'espère qu'ils vont piocher aussi un peu dedans, en tout cas au moins au niveau de l'ambiance, de l'écriture, de ce côté western qu'ils ont beaucoup pris déjà pour le Mandalorian, mais qu'on retrouve extrêmement dans ce roman-là. C'est vraiment un roman de western spaghetti. Et qui est formidable dans son écriture. C'est un roman qui prend son temps, qui est beaucoup dans la contemplation. On a beaucoup de périodes de méditation d'Obi-Wan, qui, en dehors de ces périodes de méditation, on n'est pas dans sa tête. Donc il y a vachement cet effet de lonesome stranger dont on ne sait pas ce qui lui passe par la tête, qui arrive dans un village, personne ne sait d'où il vient, qui il est. Il fait profil bas, il essaye de pas trop attirer l'attention, mais bon, forcément tout le monde va le voir arriver. Il y en aura toujours un qui va remarquer qu'il a un sabre laser à la taille et voilà. Et il va essayer de pas intervenir, de se faire vraiment tout petit, et forcément par la force des choses, il se retrouve à sauver la vie des uns et des autres dans un coin, dans un autre. Donc il y a vraiment ce topic en fait de l'étranger qui arrive dans le saloon et qui attire l'attention de tout le village et voilà. Donc il y a ce côté-là qui est très très chouette, qui est vraiment une réécriture du western de façon moderne et à la sauce Star Wars. et qui est très chouette et qu'on a retrouvé dans Mandalorian. J'espère qu'il y aura de ça et qu'il n'y aura pas trop de Kenobi qui part à gauche et à droite prendre un vaisseau qui fait des ouais. voyages dans tous les coins de la galaxie. Ça me gênerait un peu. Après, je pense que faire que sur Tatooine sans bouger, ça serait quand même difficile pour une série. Mais voilà, j'espère qu'ils s'inspireront quand même pas mal de ce bouquin. Et à nouveau, je vous le conseille parce que il a beau être estampillé Legends, encore une fois, le Legends, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui n'est complètement faux. C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas été repris dans le canon, on ne peut pas dire que c'est officiel. Mais en fait, tout est, enfin, beaucoup de choses sont potentiellement oui, peuvent être reprises dans le. Ouais, ben voilà, on l'a bien vu avec Thrawn, on l'a bien vu avec Ahsoka. Enfin, pas Ahsoka, elle avait été dans le canon de toute façon, mais on l'a bien vu avec plein de personnages qui ont été repris les uns après les autres, et des lieux, et des objets, et des, ben, voilà, des événements. Dark Bane, voilà, qui est aussi de retour. Donc, il ne faut pas prendre ça comme étant le Legend, quelque chose de passé, d'has-been et de définitivement terminé. En fait, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça Legends. L'idée, c'est vraiment. C'est une façon. Ça a été raconté, encore une fois, hein, c'est un peu avec cette vision du récit rapporté. C'est, on a un récit qui a été rapporté, ça s'est un peu perdu dans les. Dans le temps qui a passé, il y a des choses qui ont été déformées, transformées, et voilà. Et c'est du coup des récits qui sont un peu plus légendaires que les autres. Mmh. Et donc, ils peuvent très bien raconter des choses vraies. Et voilà. Et pour moi, le roman Kenobi. Alors, ce qui se passe, c'est dans ce roman, il est limité en fait au premier temps de Obi-Wan Kenobi sur Tatooine. Donc, si la série, elle, se prolonge sur plusieurs années. Voilà, ça ne va pas suivre forcément exactement le même récit. Voilà, c'est vraiment un roman qui peut s'intégrer au canon sans souci. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'il m'avait toujours tenté, mais je verrai si j'arrive à le trouver à un prix raisonnable sans problème. Il est en vente, hein, Kenobi. Il est en vente. Il n'est pas en rupture pas... Ah oui, non, il n'est pas en rupture. Ah d'accord, ok. Ah ouais, il est là. Et puis, ce qui est bien, c'est que c'est un petit one shot. Il y a pas d'autres mots autour à lire, donc ça se lit vite et bien. Donc du coup, après Kenobi qui sort en mai, je mets une pièce sur la saison 2 de Bad Batch. Ce serait à peu près la même période de sortie, donc on est sur quelque chose de cohérent. Donc dans l'été, exactement. Ouais. Et après, pour moi, ça va être beaucoup plus flou parce que Mandalorian peut-être sortira en septembre s'il n'y a pas de saison 2 de Vision, soit reprendra sa sortie habituelle en octobre-novembre. Et après, ben, on verra comment ça se passe. Mais voilà mes pronostics côté série télé. Et je pense qu'on y est. Hein. Je pense que je ne dois pas être très très loin de la vérité. Bon, au niveau des dates ouais, qu'on a pour l'instant, on peut deviner. Après, il y a plein d'autres séries encore annoncées, mais qui seront pour plus tard. Beaucoup plus tard, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de nouvelles. Donc, on a. Ça va aller, mais je vais le citer quand même. On a cette petite série avec ce petit personnage tertiaire de Star Wars, joué par une actrice un peu banale qui est apparue dans The Clone Wars, Rebels, Mandalorian. Enfin bref, je sais que Nebu n'aime pas du tout le personnage. Je veux parler d'Ahsoka. Ouais, non, ça, franchement, tout ce que tu pourras me balancer avec elle, ça m'ira, quoi. Donc voilà. Alors, je pense que malheureusement, ça sera plus 2023 pour Ahsoka. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Ouais. On a Acolyte qui devrait arriver 2023 également, même si c'est 2024, ça ne me dérange pas parce que ça reprend la fin des derniers jours de High Republic, donc plus tard ça sort, mieux c'est pour moi, je trouve. Donc je ne suis vraiment pas pressé pour via Acolyte, même si je suis très curieux. On va voir. Comme toi, je mettrais plutôt une pièce sur 2024. Ouais, je pense. De manière, il ne faut pas être pressé. Je préfère qu'ils prennent du temps et qu'on avance sur High Republic, que ce soit en roman, en comics, en manga ou en livre audio. Mais voilà, qu'on avance vraiment sur High Republic avant de nous balancer à Acolyte. Moi, j'ai pas commencé à iRepublic de toute façon. Alors. T'as encore le temps. T'as le temps. Ouais, ça m'attire pas spécialement, mais là, effectivement, la phase 2, on va dire, des comics Star Wars, Afra, Dark Vador, font des références à la iRepublic. Et puis, alors même, Afra, le premier épisode, il se passe dans des ruines de trucs de la iRepublic. Donc, ça veut dire que, allez-y, les gars, on a fait un nouveau truc, il faut que vous achetiez, donc on va connecter tout. Mais là, ce qui est très fort, c'est que c'est Charles Soule qui a commencé à parler de High Republic dans Rise of Kylo Ren. Oui, d'accord. On avait l'avant-poste des Jedi qui était. De toute façon, voilà, les entre deux autres. Comics, les deux premiers tomes, là, le premier tome Star Wars, le premier tome Afra, là, de l'ère post. Empire contre-attaque. Afra, ça se passe dans des ruines d'une ville où il s'est passé des trucs à la République. Et le Star Wars, il y a des références pareil à la République, assez évidentes. Donc voilà, maintenant on va nous le mettre, on va nous l'intégrer. On ferait pas de lien, ça serait triste, ça voudrait dire qu'on aurait des trucs parallèles qui se toucheraient pas, ça serait pas logique en fait. Ouais, mais bon, bref, je le lirai, hein, et puis je regarderai tous les contenus qui seront issus de ces trucs-là, mais si on est honnête intellectuellement, ça fait encore du fric, quoi. C'est ça, quoi. Bah, ouais, forcément, dès lors qu'ils ont acheté un petit montant à Michel Lucas, il y a un moment ou un autre, il faut forcément rentrer dans ses frais. Hein. Oui, c'est sûr. Donc alors, voilà, et puis après, on n'est pas contre aussi que la saga puisse continuer à vivre et sous plein de formats différents, parce qu'il faut qu'il y en ait pour un peu tout le monde. Tout le monde n'est pas forcément fan des films. Moi, je connais pas mal de fans de Star Wars qui, les films, ils aiment bien. Enfin, là où ils prennent vraiment leur pied, c'est dans tout l'univers étendu. Et plus c'est développé, plus ils sont contents, quoi. Et puis, High Republic, c'est un pan de l'histoire qui n'avait jamais été exploré, même pas dans Légende. Donc, c'est vraiment du 100% inédit. Forcément, ils nous l'ont sorti. Oui, voilà, c'est nouveau. Ça n'existait même pas dans Legends, voilà. Mais c'est ça qui est génial dans ce projet, c'est qu'il a aussi tout le potentiel pour réunir les fans. Moi, c'est ce que je vois beaucoup avec les lecteurs que je croise, c'est que enfin on a un projet commun sur lequel on peut tous parler, même ceux qui veulent que du légende, ceux qui veulent que du canon, et voilà, il y en a aussi beaucoup qui aiment bien les deux et lire les deux, mais enfin là ce projet-là il convient à tout le monde parce que même si on ne lit que du Legends, la Haute République fonctionne très bien. Et alors, je sais que t'es pas fan des romans, mais c'est quand même écrit par Charles Soule, donc c'est le scénariste du Star Wars post épisode 5, et c'est lui qui a écrit le premier tome de High Republic, La Lumière des Jedi, qui est vraiment très bien, quoi. Donc je conseille. Non, mais je te les piquerai. Ouais, non, mais vas-y, y a pas de problème. Donc voilà. Alors, Acolyte, Lando qui devrait arriver 2023-2024 également, et Rangers of the New Republic. Après là, c'est tellement flou qu'il n'y a rien à mettre dessus, rien à dire, je ne peux pas mettre de pièces. Je pense qu'ils sont encore en train de réfléchir s'ils vont le faire ou pas. Ouais. Et pareil, Rogue Squadron 2023, donc on a le temps. Vu les calamités que sont les Wonder Woman, ils ne tardent pas de le voir. Pourtant, Rogue Squadron, ça a été toute ma jeunesse en jeux vidéo ou en roman, qui sont géniaux. Les jeux vidéo ? Et roman. C'est les jeux vidéo. Ouais, les deux. Et on sait que le film confié à Taika Waititi est toujours en cours. Donc là-dessus, ça va. La trilogie de Rian Johnson est aussi toujours d'actualité. Elle n'a pas été enterrée. C'est vrai. Donc voilà, ça c'est ce qu'on pouvait dire au niveau des films, séries. Point de vue roman, on a High Republic qui continue à avancer. Donc du coup, il me semble que la phase 2 de la partie 1 se termine le 4 janvier avec The Fallen Star et que nous, ça commence également en janvier. Pour la phase 2 en français. Vraiment utiliser les bons termes, attention, c'est la vague 3, la phase 1. C'est-à-dire qu'on va avoir trois phases. On a une qui s'appelle Light of the Jedi, une autre qui s'appelle Quest of the Jedi, et la troisième qui va s'appeler Trials of the Jedi. Et la phase 1, c'est la seule qu'on connaisse pour l'instant, Light of the Jedi, il y a trois vagues. Et la première vague, on a eu, du côté roman, on a eu la lumière des Jedi et en pleine ténèbres. En comics, on a eu une série adulte qui s'appelle The High Republic, tout simplement, qui vient de sortir là en version 100% chez Panini. C'était hier ou avant-hier, voilà, ça vient tout juste de sortir, et qui était sorti en différents petits albums de deux issues chacun. Et il y a aussi un album jeunesse de comics qui va sortir dans le courant de novembre, il me semble. Oui, qui s'appelle The High Republic Adventures. Voilà, les aventures. Donc ça, c'est la première vague. Et ensuite, on a une deuxième vague qui en France, donc qui aux États-Unis est déjà commencée, mais qui en France est déjà commencée avec les comics depuis le dernier numéro qui est sorti. Et qui, nous, en roman, va sortir en janvier et février. Et il y a le petit roman jeunesse aussi de la Bibliothèque Verte qui est déjà sorti, voilà, de cette vague 2. Et ensuite, on a une vague 3 qui sort en début d'année aux États-Unis et nous, qui va sortir dans le courant de l'année 2022. J'en dis pas plus pour l'instant, mais très bientôt, on en dira plus. Voilà, les gens ne vont pas du tout attendre longtemps pour avoir cette troisième vague. Et donc, dans cette troisième vague, on a The Fallen Star, en effet, de Claudia Gray, que j'ai entre mes mains. Et que j'ai pas encore pu commencer, malheureusement. C'est très, très frustrant. J'ai lu les premiers chapitres et puis j'ai dû m'arrêter. J'ai pas le temps. Mais voilà, je l'ai à la maison. Un troisième aussi roman jeune adulte qui cette fois sera écrit, alors bien sûr je m'emmêle les pinceaux, cette fois est écrit par donc on avait Justin Ireland pour la vague 2 et là pour la vague 3, et ben si je dis pas de bêtises, ça doit être Daniel José Holder, je ne sais plus si ça doit être ça. Donc voilà, et ça sera pour 2022. Après commencera une phase 2 et il y aura aussi des vagues dans cette phase 2. On ne sait pas encore exactement combien de vagues il y aura. Et ensuite, une phase 3. Et donc, avec tout ça, ça doit nous projeter pour les prochaines années. On a encore un petit peu de temps pour voir venir tout ça, quoi. Donc ça, c'est cool, parce que comme tu disais, c'est très chouette. On prend son temps au niveau littéraire pour établir les choses. Les auteurs ont tout leur temps pour écrire leur roman, pour discuter entre eux vraiment de la structure du récit qu'ils veulent mettre en place. Donc on est sur un autre temps que celui de la création des films qui se fait à 3000 km/h. Là, on est beaucoup plus sur un temps long et ça fait du bien. On sent un world building qui se crée de longtemps à l'avance, qui est réfléchi, qui est développé entre différentes personnes, différents auteurs qui vont après chacun développer avec leur qualité, leurs pattes, leur qualité propre. Mais vraiment avec cette idée de structurer tout entre eux. Et voilà, et c'est très très agréable de voir la création en Star Wars se faire dans ce sens-là. Et du coup, je l'avais dit en début d'épisode, mais lors de Comic-Con de New York, Del Rey a annoncé la sortie de nouveaux romans hors High Republic, ce qui est sympa également parce qu'on oublie, on n'oublie pas le reste. Donc ça va commencer, il y a Brotherhood, on l'a déjà bien évoqué, qui sort le 10 mai 2022 aux États-Unis. On va avoir le 28 juin 2022, je pense que c'est un titre que beaucoup de personnes vont attendre impatiemment, c'est Shadow of the Sith qui va se passer 20 ans après le retour du Jedi, et on va retrouver Luke Skywalker et Lando Calrissian en train de courir après les Sith, et il y aura également l'histoire où il y a un assassin Sith qui part à la recherche de Rey pour l'amener sur Exegol. Donc ça pourrait même être l'histoire de l'abandon de Rey. Je trouve ça enfin intéressant que Lucasfilm veuille exploiter la chose. Vraiment, puis on va avoir sans doute l'histoire autour de Lando et sa fille, donc qui a été enlevée par le Premier Ordre. Donc ça, c'était légèrement évoqué dans le film, mais normalement, ça devait être beaucoup plus développé. Et d'ailleurs, dans la novélisation du film, on a la scène d'origine qui a été un peu coupée. Et en fait, donc Lando avait un enfant qui a été enlevé par le Premier Ordre. Parce que ça faisait partie des opérations de sabotage et de d'affaiblissement de l'ennemi. Tous les grands les grands chefs de la rébellion et de l'alliance rebelle ont été attaqués dans leur famille, et leurs enfants ont été enlevés pour saper leur motivation face à l'Empire. Ouais, voilà, se battre. Et donc, du coup, Lando a été ciblé et sa fille a été enlevée. Donc, sans doute, il y aura aussi ce côté-là qui sera développé. Et puis, voilà, la poursuite après Okit Bestoun, le fameux assassin Sith qui a été chargé d'enlever Rey par Palpatine. Donc, on va sans doute aussi développer tout ce lore qui nous a manqué et de comprendre quelles ont été les différentes étapes pour Palpatine dans sa résurrection progressive là, et aussi comment le Premier Ordre s'est développé. On avait déjà pu un peu voir ça dans un roman de Claudia Gray, voilà, Lien du sang, exactement, qui est un super roman que je conseille vraiment à tout le monde, parce qu'il est extrêmement bien écrit, qu'on a une Leia qui est extrêmement lumineuse et très fidèle à l'original. Et en même temps, qui fait vraiment la passerelle entre la Leia qu'on connaît de la trilogie originale et celle de la postlogie. Et voilà, et dedans, on commençait à voir le Premier Ordre poindre. Leia commence à craindre qu'en effet, l'Empire essaie de renaître de ses cendres. Et on voit bien à quel point elle est une des seules à s'en rendre compte. Et alors, c'était un roman qui est super, mais qui brillait par l'absence d'une personne. C'était l'absence de Luke Skywalker. Et il se trouve que Claudia Gray est venue en France là il y a quelques semaines. Elle est venue à l'occasion d'une convention, voilà, à Cusset. On a eu la grande chance de la voir avec nous. Elle a pu faire des séances de dédicaces et puis aussi répondre à des questions et à une interview que j'ai pu lui donner pendant ma conférence à Cusset. Et il y avait une de ces questions qui était sur Lien du sang, et en fait il se trouve que Lucasfilm lui avait demandé particulièrement de ne pas trop développer ni Han ni Luke à cette époque-là, parce qu'il voulait vraiment faire un livre autour de Leia, que ce soit elle qui est vraiment qui soit mise en avant, pour que ce soit pas comme souvent certains romans du Legends où dans le trio Leia était un peu dans l'ombre des garçons, et là d'être mise vraiment en avant. Donc il y a eu un peu de Han Solo dans le roman, mais c'est vrai que Luke n'est pas là, il est absent, il est avec Ben justement, et ils sont partis dans la galaxie à la recherche d'artefacts et de des premiers temples Jedi. Donc on ne les voit pas du tout, et donc là ça va être chouette de pouvoir enfin développer le personnage de Luke Skywalker à cette époque là il aura quoi, il aura une cinquantaine d'années, une petite cinquantaine, peut-être un peu moins, et puis je pense qu'on va pouvoir développer en effet tout l'Académie Jedi. On va sans doute en entendre parler, enfin, oui. Ça va être extra, ouais. Donc voilà. Et la dernière annonce, c'était le roman Padawan qui sortira le 26 juillet 2022. C'est un young adult. Et on va suivre les premiers pas d'Obi-Wan avec Qui-Gon Jinn. Et voilà. Alors, on avait déjà un roman comme ça avec les deux. J'ai plus le nom en tête dans ma tête. Maître et apprenti, voilà, exactement. De Claudia Gray également. Aussi. Et également. On reste toujours sur le même auteur, ouais. Et je pense que on va voir encore un peu plus les relations tumultueuses entre les deux. C'est à une autre époque, c'est un moment, c'est plus tôt, donc ça va être encore un peu différent, je pense, dans leurs relations. Mais c'est sûr que c'est des personnages qui sont très chouettes et puis qui sont antinomiques. Ils fonctionnent très bien ensemble, comme exactement comme Obi-Wan et Anakin sont antinomiques aussi ensuite. Voilà, donc c'est des duos qui fonctionnent vachement bien. J'ai un peu moins d'attente sur ce roman-là, mais je pense que ça va être super. Et puis je pense qu'il y a l'effet aussi, voilà, 20 ans de l'attaque des clones, de la prélogie qui va être mise en avant cette année. Donc c'est aussi l'objectif de ce roman-là. Et oui. Et voilà, ben, je pense qu'au point de vue sortie, c'est à peu près tout. Et je pense qu'on va rentrer dans cette dernière partie de l'interview. Du coup, je vais te laisser début commencer parce que je sais que bientôt il faut que tu ailles au lit pour travailler demain matin. Non, c'est pas ça, mais c'est surtout que là j'étais seul à l'appart, donc je pouvais faire ce que je voulais. Mais bientôt. Ma compagne va bientôt rentrer, quoi, tu vois. Donc. Bah, écoute, je te laisse les premières questions, en tout cas. Ah non, non, justement, je préfère que tu ouvres et puis... Et on embraye, hein, t'inquiète, hein, moi je vais rester jusqu'au bout, c'est pas grave, mais faut pas juste que... Et faire des réponses courtes. On va pas aller. Finir à minuit. Allez, mais je suis là, t'inquiète. Ok, d'accord. Du coup, moi, ma première question, s'il y a eu un cafouillage, je comprends plus rien, sur une future sortie roman qui devait sortir soit le 25 octobre, soit le 25 novembre. J'ai plus vraiment suivi. J'ai eu une info, une contre-info, une contre-contre-info. Donc, peux-tu nous confirmer quand est-ce que sort Fron l'Ascension ? Throne, l'ascendance. Attention, c'est l'ascendance Schiss. Ouais. Oui, l'ascendance Kiss, ouais. Ah, tu dis Schiss ? On dit quoi ? On dit Schiss ou Kiss ? Alors, on dit pas Kiss parce que les Anglais, ils disent Schiss. Ah, d'accord. Donc, ça peut pas être Kiss. Mais ouais, en général, en français, on dit Schiss, ouais. L'ascendance Schiss. Ouais, okay. Voilà. Ouais, donc Chaos Croissant, le premier tome de l'ascendance Schiss, Throne, l'ascendance tout court. Devait être prévu pour le 28 octobre et puis il y a eu un petit report et c'est reporté donc au 25 novembre. Voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement. On n'en a pas eu beaucoup ces derniers mois, si ce n'est années de report, mais c'est tout simple, hein. On dépasse un peu la date de l'impression et puis du coup on se retrouve obligé de devoir reporter et parfois on peut pas reporter juste d'une semaine parce qu'il y a plein d'autres livres qui sont prévus d'être publiés à cette date là et donc on est obligé de reporter de beaucoup. Là il nous manquait quelques jours pour être dans les temps et puis finalement ça se reporte d'un mois entier, donc c'est toujours un peu frustrant quand on est dans les starting blocks et puis on sait que nos lecteurs le sont aussi, que certains ont précommandé, etc. Donc on est bien désolé pour ça, mais voilà, c'est des choses qui arrivent aussi quand il y a toute une chaîne d'intervenants en fait pour créer un livre. Donc ça va bien sûr de l'auteur américain, mais après au traducteur français, ensuite aux différents relecteurs, les maquettistes, etc. Et bon, ça arrive que parfois ça s'enraye dans un coin et puis que tout soit décalé. On arrive le plus souvent, on arrive à rattraper les petits retards comme ça et on réussit quand même à tomber sur nos pieds. Mais là, ça n'a pas fonctionné et on a été obligé de reporter d'un mois. Voilà. Donc c'est bien pour le 25 novembre. D'accord. Alors, justement, j'ai une question. Comment se passent les relations que tu peux avoir avec... c'est une question vraiment, vraiment très, très idiote. Est-ce que tu peux avoir des relations avec Lucasfilm ? Est-ce que Lucasfilm, par exemple, t'a annoncé en avant-première les sorties de Brotherhood et compagnie, ou tu as appris ça comme n'importe qui s'est connecté sur Star Wars Universe et qui a appris ça tout bêtement sur ce site ? Alors, c'est une question très intéressante. En fait, ça dépend. Il y a des informations que j'ai via plusieurs moyens et qui ne sont pas publics. Il y a entre autres une sorte de plateforme sur laquelle je dois déposer mes projets que je fais avec Lucasfilm. C'est une plateforme mondiale pour tout ce qui est Disney. Donc c'est vraiment gigantesque et toutes les personnes qui travaillent avec Disney, tous les licenciés, donc les personnes qui ont la licence de Disney doivent mettre sur cette plateforme quand ils créent une adaptation d'un de leurs livres et voilà. Et donc sur cette plateforme peut être donné des informations en avance. Donc on va voir apparaître un titre, on va dire « Ah tiens, il va y avoir ça ». Là, on a plus ou moins d'informations, on peut avoir un résumé ou non. En général, on n'a pas le nom de l'auteur. Ça arrive souvent qu'on ait un titre qui soit qui soit pas le vrai titre. Un code, ouais. Voilà. Donc c'est des codes inventés. Donc parfois, tu peux essayer de deviner à quoi ça peut correspondre, mais alors parfois pas du tout. Alors, je sais plus, par exemple, je vais vous donner un exemple. Hop, il me semble que j'avais écrit les noms de code. Voilà, on avait pour Brotherhood, on avait Playground Fight, nom de code. Voilà, donc alors parfois on arrive à deviner un peu, parfois pas du tout. Shadow of the Sith, je crois que c'était. Iceberg ou un truc comme ça. Ah oui. Bon, c'est vraiment des trucs. Parfois, tu vois les liens, parfois, tu les vois pas du tout. En général, eux, quand ils inventent, ils se voient un lien, mais c'est assez. Ça peut être cryptique. Donc voilà, donc j'ai ce moyen-là parfois d'être au courant à l'avance. Ensuite, on a aussi des réunions, il y a des salons un peu comme le salon de Francfort ou il y a des salons comme ça où on peut avoir aussi des informations qui nous sont données entre éditeurs. Ils vont nous dire bah voilà, on a prévu de sortir quatre nouveaux romans comme là ça a été annoncé dernièrement, et ben ils auraient pu nous annoncer ça lors d'un salon mais à ce moment-là c'est pareil, c'est pas public. Et puis, il existe aussi des catalogues qui recensent les prochaines sorties. Alors, c'est pareil, c'est public et pas public en même temps. Il faut savoir chercher au bon endroit pour avoir les informations. Et là aussi, souvent, il y a des noms de code pour ne pas trop en dévoiler. Mais on peut réussir à deviner telle date, ah, ça veut dire que ça. Bon, voilà. Donc il y a des choses que je sais pas tout, et parfois il m'arrive de ne pas savoir du tout et d'être surpris et d'avoir les mêmes infos que vous au même moment. Mais en général, ils essayent quand même de nous tenir un petit peu au courant avant. Voilà. D'accord. Alors ça, c'est ta relation avec les Américains. Et autre question qui a toujours une raison avec les relations. Est-ce que tu as des relations, par exemple, avec Panini, qui donc publie malheureusement la gamme Star Wars en France? Alors, j'ai aucun problème avec Aurélien Vives, c'est vraiment un vrai fan de Star Wars. J'ai vraiment un problème avec son patron qui est Panini. Hein. Mais par contre, Aurélien Vives, c'est un vrai fan. Il faut savoir le reconnaître, il faut savoir le dire. Donc là-dessus, Aurélien Vives fait vraiment du bon travail. Le reste, après, ne suis pas forcément, mais ça, c'est mon avis pour Panini. Hein. Je pense que ceux qui écoutent le podcast le savent plus qu'il ne faut, hein. mais voilà. Alors, as-tu eu par exemple des relations avec Panini pour sortir tout ce qui était High Republic? Ouais, carrément. Donc moi, je peux parler que d'Aurélien parce que c'est avec lui que j'ai 100% de mes contacts Panini. Donc c'est vraiment devenu un ami. Et voilà. Donc pour ce qui est de la Haute République, on se connaissait déjà avant. On avait déjà pas mal échangé, entre autres à Cusset il y a 2 ans où on s'était rencontrés pour la première fois. Et puis après ça, parce qu'il est arrivé assez souvent qu'on ait des sortes de crossover, comme ça a été le cas pour l'Escadron Alphabet, où ils ont sorti comics TIE Fighter, voilà, en même temps. Ensuite, on avait aussi, ils ont sorti l'adaptation en comics de Throne, du premier roman canon de Throne chez Panini. Donc là, pareil, on a été en lien. Et à chaque fois, bah forcément, on a tout intérêt à faire des échanges de bons procédés avec des... faire de la visibilité, échanger, quoi. Donc, faire de la pub les uns pour les autres. Donc, on essaie toujours d'organiser ça, d'organiser des concours communs pour faire gagner et le roman et le comics qui correspond. Voilà. Donc ça, on le fait assez souvent. Et après, pour la Haute République, du coup, on était déjà en terrain connu. Et on a pris, du coup, beaucoup de plaisir avec Aurélien à mettre en place des outils pour pouvoir travailler ensemble de façon organisée sur la Haute République, avec des glossaires partagés, avec des... en lien assez, assez constant pour dès qu'il y a quelque chose, un terme à inventer, à traduire, assez important, où on sait que ça va aller aussi dans les comics et tout, bah de voir ensemble comment traduire ça. Et rien qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai dû échanger 4-5 messages avec lui sur comment on allait traduire le nom, le surnom d'un personnage. Voilà, et donc on s'est rendu compte qu'eux avaient déjà... une proposition, parce que dans les Star Wars, les High Republic Adventures, ils avaient déjà rencontré le terme. Donc hop, nous on s'est du coup glissé dans leur terminologie et on reprend leur terminologie. Donc voilà, l'idée c'est d'être très très attentif, comme on traduit en même temps, en fait, et qu'on découvre la VO en même temps. C'est pas comme si la VO avait 5 ans et que du coup on savait déjà, les choses étaient déjà très établies. Là, c'est vraiment tout est un peu fait en même temps. Donc il faut être très attentif. Et là-dessus, des sites comme Wikipédia, l'encyclopédie nous aide vachement parce que elle nous aide à recenser les différents lieux où tel terme sont utilisés. Donc ça, c'est super précieux. Et voilà, et donc du coup on sait bah, tel personnage, son surnom, il apparaît pour la première fois dans tel comics, donc hop, ah bah vite, j'appelle Aurélien et on voit ensemble, est-ce qu'ils l'ont déjà traduit, comment ils l'ont traduit, est-ce qu'on a une autre proposition, une autre suggestion, etc. Et donc par exemple le flambeau stellaire, c'est quelque chose qu'on a décidé ensemble, la traduction, on a proposé plein de choses les uns les autres et on a fini par arrêter notre avis là-dessus. Voilà, c'est l'exemple qui me vient comme ça en tête en premier, mais il y a plein de termes comme ça. Et on a créé en fait un... Parce que c'est pareil, il y a Panini et nous, mais même nous, ben, il y a celui qui traduit le roman adulte et puis celui qui traduit le roman jeune adulte. Et alors en plus, dans les premiers tomes, on était à deux sur chaque roman. Donc voilà, à chaque fois, c'est plein de gens qui sont impliqués. Et qui traduisent en même temps, donc il faut pourtant qu'il y ait une homogénéité au niveau de la terminologie, au niveau des termes utilisés, des traductions utilisées, tout ça. Et il faut par exemple qu'on soit aussi logique sur les tutoiements, les vouvoiements entre les personnages. On peut pas avoir au début du livre deux personnages qui se vouvoient et puis qui se tutoient à la fin, hein. Ou alors il faut qu'il y ait une bonne raison pour laquelle ils se tutoient, ce qui peut arriver. Et puis décider bah, à partir de telle page il se tutoie, donc à partir de maintenant il faut vraiment maintenir ça. Voilà, donc c'est passionnant, mais c'est un vrai travail ouais, de où il faut jongler de coopération et, ouais, de coopération et vérifier toujours où en est l'autre. Pour que alors déjà pour que nos publications soient à peu près sortent de façon logique les uns par rapport aux autres. Ça c'est assez complexe quand même parce qu'on a de toute façon un décalage avec les Américains, mais après nous, entre nous, il faut que ça soit logique, qu'il y ait une sortie qui soit à peu près qui corresponde à la sortie à l'ordre de lecture. Et puis après au niveau des termes et tout, il faut ouais, il y a ça qui est vachement important à surveiller, s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreurs. Parfois il peut y avoir des erreurs dans la version originale, donc il faut aussi nous qu'on soit vigilants. Par exemple, on a dans notre tableau, on a de terminaux, on a un onglet, c'est toutes les couleurs de sabre laser. C'est-à-dire qu'on dit, bah, tel personnage, ah oui, alors il a telle couleur, tel personnage a telle couleur et tout. Et du coup, ça nous permet, quand il y a une erreur, ça peut arriver hein, dans la version originale, tout d'un coup, il nous dit, il y a un reflet bleuté qui apparaît sur son visage. Ah bah non, ce personnage, il est censé avoir un sabre laser violet, c'est pas possible. Donc, en fait, ça nous est aussi arrivé de pouvoir remonter des erreurs comme ça. En disant non non mais là je pense qu'il y a eu une erreur entre tel bouquin il a telle couleur et tel bouquin il a une autre couleur, donc voilà, parce que du côté des Américains, eux ils compliquent les choses parce qu'ils ont plusieurs éditeurs pour faire et les romans et les jeunes adultes et les jeunesses, et donc du coup qui dit différents éditeurs dit encore plus du risque de se planter quoi entre les différents auteurs. Donc même si les auteurs parlent entre eux, c'est quand même les éditeurs qui ont la dernière main sur ce genre de petits détails, et on n'est pas à l'abri d'une erreur. Donc nous, ça a été en fait assez précieux d'être le même éditeur qui faisait et l'adulte et le jeune adulte, parce que ça nous a permis de repérer des erreurs entre les deux éditeurs américains, leur faire remonter. Et parfois, on les a repérés avant que les livres soient publiés aux États-Unis. Et donc, ils ont pu corriger des trucs grâce à notre intervention, parce que forcément, nous, comme on faisait les deux bouquins en même temps, ben, on voyait toutes les différences, quoi. Alors, c'est forcément... ouais, c'est cool. Quand tu sais que tu as pu participer un petit peu à la machine, ouais, c'est sympa. Et de faire en sorte que ça soit... ouais. Après, il y a des petites erreurs. Je sais qu'il y a des personnages qui... dans le roman jeune adulte ou dans le roman adulte, ne faisaient que passer et qui étaient plus importants dans l'autre roman. Et qui était mal genré, qui était un homme d'un côté et qui était une femme de l'autre. Mmh. Alors, en général, c'était des personnages, des non-humains. Mais voilà, des petits trucs comme ça où nous, bah, tout de suite, on les a vus, quoi. Ça nous a sauté aux yeux, mais c'est normal parce qu'on bossait avec les deux en parallèle. Alors, ça, c'était la question. Alors, du coup, on va voir les romans également de High Republic qui devraient pas tarder à arriver sur Lidzi. Donc ça, c'est cool également parce qu'il y a eu des romans audio spécifiques Star Wars. Donc deux pour au moins un vraiment très important pour High Republic. Mais je sais qu'il y a un roman audio que beaucoup de personnes attendent et que j'aurais bien voulu voir sur la liste de Lidzi également, qui est The Cool Jedi Lost. Ah, voilà, exactement. Bah, vous savez, on est au courant. Il faut pas croire qu'on les oublie, hein. Voilà, bien sûr, on sait très bien qu'il est là et tout. Après, voilà, il faut savoir que les choses, il faut les prendre petit à petit, faire les choses progressivement. Et déjà, c'est un énorme pas de pouvoir faire arriver Star Wars dans le livre audio. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui s'y attendaient quand on a fait l'annonce, parce que il avait toujours été établi que ben le livre audio fonctionnait pas assez bien en France pour que Star Wars s'y mette. Bah, je vous avouerai qu'il y a un peu du pari quand même dans cette histoire. Moi, je pense que ça peut vraiment bien fonctionner parce que le livre audio prend de l'ampleur ces derniers temps. Mais voilà, ça reste toujours un pari. Et on ne pouvait pas tout sortir d'un coup, forcément. Et puis, il fallait faire les choses dans l'ordre. Et en fait, c'est sûr que l'audiodrama de la Haute République a eu le rôle de locomotive dans cette histoire. C'est-à-dire que forcément, se dire que ben on allait tout publier sauf ça et que cette histoire-là, du coup, allait manquer au lecteur, ça a été un poids assez important de se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on sort le script tout seul ? Ce qui était aussi une possibilité, mais qui était peut-être un peu dommage, parce que bon, voilà, c'est pas super sexy, quoi, un script à lire. Ou est-ce que on sort les livres audio, mais à ce moment-là, est-ce que voilà l'audiodrama, le truc, c'est que ça a une ampleur vachement plus importante que juste un livre audio qu'on lit. C'est-à-dire que la différence entre un livre audio de base qui consiste en un lecteur qui va lire le livre du début à la fin. Et un audiodrama où tu as une dizaine voire une quinzaine de comédiens différents qui font une centaine de personnages sur tout le livre, avec une bande son, une bande musicale qui accompagne et qui vient enrichir en fait et vraiment donner une expérience, une véritable pièce de théâtre radiophonique en fait. C'est complètement différent en termes d'organisation, de financement aussi, hein, il faut se le dire. Et du coup, c'est un risque encore plus grand. Donc, faire plusieurs audiodramas en même temps, c'était juste pas possible. La Haute République, forcément, était un peu plus... passer un peu plus en premier en termes de priorité parce qu'il fallait rester dans l'ordre chronologique de l'histoire. Donc là, par exemple, notre audiodrama sur la Haute République, Tempest Runner, va sortir en avril. Et ça va être pile poil le bon moment, en fait, dans l'histoire des romans et des comics. Il va arriver pile au bon moment, quoi. Donc, c'était maintenant qu'il fallait le sortir. Donc c'est pour ça qu'il a eu la priorité sur l'autre. Après, forcément, si celui-là est un succès, fonctionne bien et qu'on a les auditeurs qui répondent à l'appel, c'est sûr que ça va nous encourager à faire d'autres coups de Jedi Lost. Donc, voilà, c'est un appel que je lance à tous les fans de Star Wars. Si vous voulez en avoir plus, il faut vraiment répondre présent. Bon, ben, ça, c'est déjà pas mal. Je suis en train de réfléchir. Pour le moment, je n'ai pas des questions, mais Nebu avait donc des questions pour Ahsoka. Ouais, non, mais enfin, c'était des questions rapides. C'était par rapport au fait que on parlait de, donc, du terme de retcon sur certaines, comment dire, certaines séries. Et effectivement, on en a eu un sur Ahsoka par rapport au. Qu'est-ce que entre la saison 7 et le bouquin, et du coup comment est-ce qu'on gère ça dans le rapport entre les bouquins. Donc tu nous as expliqué les bouquins, les comics, on va dire tout ce qui est littérature entre eux, mais du coup comment est-ce que tu dois gérer les sorties bouquins, les liens entre les bouquins et le support visuel du coup qui va, on va dire, on va pas se mentir, qui va prédominer et qui va du coup peut-être faire des situations comme on a vu de retcon, c'est-à-dire de, on change ce qui avait été dit, quoi. Alors en fait, Ahsoka, pour un petit rappel, le roman, il est sorti en 2016, donc il est sorti il y a bien bien longtemps aux États-Unis. Oui, voilà, il y a ça aussi, ouais. Voilà, en fait, donc à ce moment-là, il n'y avait pas de saison 7 prévue. Il y avait l'idée que, de toute façon, The Clone Wars était arrêté et qu'il y avait eu une partie de l'histoire d'Ahsoka qui ne pouvait pas être racontée. Et donc, il y avait cette idée de pouvoir le raconter en partie dans ce roman. Donc, a été donné à l'auteur E.K. Johnston a été donné le script en fait qui avait été prévu pour cette saison 7. En tout cas, si c'était pas un script précis, c'était voilà les grandes lignes de ce qui devait se passer. Et elle s'est basée là-dessus, donc sur le résumé de Filoni pour cette saison-là, pour la suite des aventures d'Ahsoka, elle s'est basée là-dessus pour écrire son roman. Donc c'était des encore une fois, c'était un résumé. Est-ce que si c'était un script précis, je pense pas. Forcément, c'était pas au mot près exactement. Oui, ouais, je vois. Ouais, toutes les situations. Voilà, ouais, ok, d'accord. Voilà. Maintenant, il y a quand même des choses qui étaient prévues à l'époque et qui finalement ont été changées quand la saison est arrivée. Sans doute pour des raisons X ou Y dont on n'a pas les tenants et les aboutissants, mais. En fait, y a plein de choses hein, qui font contrainte lors de la création d'une œuvre audiovisuelle et qui font qu'on va choisir tel environnement ou tel autre et telle scène d'action va être développée autrement que ce qui avait été prévu au début. Et on s'en rend bien compte avec les films, par exemple. Nous, quand on a les novélisations à adapter, on les récupère souvent peu de temps avant la sortie du film, ou alors juste après. Et c'est une version qui n'est pas encore définitive, c'est-à-dire qu'on sait que l'auteur va revenir dessus après avoir visionné le film et qu'il va encore modifier des choses. Parce que lui travaille à partir d'un script qui, de toute façon, pendant la production, va changer, oui, va bouger, ouais, va pour, se modifier. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Et donc, il y a plein de choses pour l'ascension de Skywalker qui ont été modifiées, changées, développées ou retirées. Et là, c'est pareil pour Ahsoka. Entre le script qu'il avait écrit à l'époque et le moment où la saison 7 est vraiment sortie, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts et beaucoup de choses qui ont changé. Alors parfois, on peut voir Filoni comme étant un peu un but de sa personne et ne pas prendre en compte le travail de l'auteur, etc. Alors, je pense que de fait, il y a une différence de niveau, hein, même si on dit que tout est sur la même. Est censé être à pied d'égalité au niveau de l'histoire, tout le monde doit être normalement raccord les uns avec les autres. Je pense qu'il y a quand même les séries et les films qui sont au-dessus des romans et des comics. Hein, c'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Et entre autres, parce qu'il y a ces histoires de contraintes incompressibles au niveau des films et des séries qui font que c'est pas toujours possible de suivre les romans à la lettre. Mais donc on peut le regretter, je le comprends, hein, et en même temps il y a des choses dont on n'est pas forcément au courant. Mais donc pour Ahsoka, il y a eu des différences, il y a eu des changements. Nous, on a eu finalement la chance de ne pas sortir Ahsoka au moment où il a été publié aux États-Unis. Ça a été pareil, nous, ça a été dû à plein de choses plein de raisons différentes. En fait, Pocket Jeunesse sortait à ce moment-là les romans jeune adulte. Et puis, il y avait une réflexion justement à ce moment-là sur la cohérence de continuer à sortir les romans jeune adulte chez Pocket Jeunesse, parce qu'on se rendait compte qu'on perdait une partie de notre lectorat dessus. C'est-à-dire que les romans jeunes adultes n'étaient pas sur les mêmes rayons que les romans adultes. Ils étaient en rayon parfois même jeunesse, parce que toutes les librairies n'ont pas un rayon jeune adulte prévu. Et puis, ils ne mettaient pas tous les Star Wars ensemble, quoi. C'était dans des rayons séparés. Et beaucoup de nos lecteurs, en fait, passaient à côté des romans jeunes adultes, alors qu'ils étaient tout à fait autant la cible que les adolescents. Il y a beaucoup de romans jeunes adultes Star Wars qui conviennent très très bien aux adultes aussi. Et en fait, les lecteurs passaient à côté. Donc c'était vraiment, vraiment dommage. Alors il y a eu cette réflexion à ce moment-là qui a été de se dire, est-ce qu'on continue avec Pocket Jeunesse ou est-ce qu'on rapatrie tout chez Pocket ? C'est un peu à ce moment-là que ça s'est passé au niveau d'Ahsoka. Et c'est pour ça que Ahsoka n'a pas été publié tout de suite. Mais d'une certaine façon, c'était une chance parce que ça nous a permis de le sortir au moment de la saison 7 de The Clone Wars, et ça a été vraiment le moment de gloire d'Ahsoka. Il est sorti pile poil, ouais. C'est... Voilà, donc ça a été vraiment, vraiment nickel, plus Mandalorian avec Ahsoka en live action. Bon, ça a été vraiment top pour ce petit roman, et ça lui a fait beaucoup, beaucoup de bien, donc on était quand même vraiment contents. Après, donc il y a deux choses principales qui ont changé dans le roman par rapport à la série. Il y a la couleur des sabres d'Ahsoka qui était différente. Donc là, c'était E.K. Johnston qui n'avait pas eu l'info comme quoi les sabres d'Ahsoka allaient changer de couleur. Donc, en fait, il y avait cette info-là qui était erronée dans le roman. Et puis, il y avait une autre chose qui était le combat entre Ahsoka et Dark Maul, qui est raconté de façon très succincte dans le roman, mais qui, de fait, était quand même un peu en décalage avec la série. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà. Alors, cette scène de description, il y a même, entre autres, une réplique d'Ahsoka. J'ai trouvé ça trop triste qu'elle ne soit pas dans la série, parce qu'elle est super badass dans le roman. Où Dark Maul se moque d'elle en lui disant que de toute façon elle n'est pas un vrai Jedi, et puis elle lui rétorque que lui il est que la moitié d'un Sith. Oui, c'est vrai. Et voilà, ça, j'étais triste de ne pas le réentendre dans la série parce que c'était quand même cool. Sinon, voilà, il y a des différences en termes du duel en lui-même, de l'endroit où il se passe et de son déroulé. Et ça, c'était c'était compliqué de notre part. Parce que comme on a vu la série avant de publier le roman, que ça parte en impression, on aurait eu la possibilité de changer des choses là-dessus. Mais franchement, là, c'était une scène assez courte. Mais voilà, changer toute une scène... Oui, dans le bouquin, c'était pas vraiment... C'était pas très grave. Ouais. Et puis, c'était délicat de la part de l'auteur de lui changer tout un paragraphe. Ouais, quoi. Ouais, enfin, voilà. Clair, ouais. Et par contre, il y avait la question de la couleur des sabres. Donc là... Pour le coup, je suis remontée auprès de Lucasfilm. J'ai posé la question directement au responsable de Lucasfilm, dont j'ai les mails que j'utilise assez rarement parce que voilà, avec parcimonie pour que les fois où tu l'utilises, ben ça marche bien. J'ai posé la question, est-ce que c'est possible de changer la couleur des sabres dans le roman, sachant que nous on le sort maintenant, voilà, c'est pas... Et ils m'ont dit, bonne question, attendez, on se renseigne, tac tac tac. Et puis au bout de quelques jours, ils m'ont dit, ok, vous avez le feu vert pour changer la couleur, et de notre côté, les romans américains vont changer la couleur aussi. Ouais, en réimpression, ouais, ouais. Voilà. Donc c'était super cool parce que on avait cette possibilité là. On savait que certains allaient nous attendre au tournant sur la couleur et voir qu'on avait cette possibilité là d'agir et de. Ah, c'était pas grand chose. On en a informé l'auteur aussi, bien sûr, par. Ouais, parce que moi je me souviens que quand il était sorti aux États-Unis, j'avais lu des trucs comme quoi effectivement il y avait une incohérence. Et quand j'ai lu le bouquin en français, je dis mais il n'y a pas d'incohérence, de quoi il parle. Et voilà. Donc là c'était facile de. On a l'arrière. Ouais, voilà, les coulisses du truc. Les coulisses. Et, et c'est vrai que c'était très cool de pouvoir avoir ce lien direct, ce téléphone rouge là avec Lucasfilm et de leur dire, écoutez, là on a un petit truc, ça peut être très simple à corriger, est-ce que vous nous permettez de le faire ? Et voilà. Ok, bah c'est, franchement, c'est vraiment sympa de pouvoir modifier ce genre de choses et éviter les critiques qui peuvent arriver derrière. Alors, j'ai quelques questions de fans qui peuvent être intéressantes. Alors, la première question m'intéresse énormément, mais ça pourrait peut-être même me remettre un peu dans le Legend. C'est, est-ce qu'il y a une date prévue pour le dernier tome de Rogue Squadron qui était sorti et qui s'appelle, ouais. Voilà, qui s'appelle Mercy Kill. Mercy Kill, ouais. Alors, une fois de plus, hein, on sait qu'ils sont là, on ne les oublie pas et on est tout à fait conscient de l'attente qu'il y a des lecteurs. Et voilà, après, la question du Legend, c'est assez complexe. Il y a plein de choses là aussi qui rentrent en compte et qui font que c'est compliqué pour nous d'en sortir. Vous savez qu'on a... On avait complètement arrêté de sortir des nouvelles traductions, donc des textes inédits. Les Américains n'en sortent plus du tout, hein, des romans Legends. Ils ne font que réimprimer d'anciens livres. De notre côté, en France, il nous reste quelques livres qui n'ont jamais été traduits. Si on les recense tous, on peut en arriver à une vingaine de romans, mais si on ceux qui sont vraiment intéressants, moi j'en ai entre 5-10 en tête, quoi, qui sont vraiment intéressants à pouvoir un jour publier. Et voilà, mais rentre en compte plein d'autres choses. Il y a le fait qu'on a un canon qui est quand même assez foisonnant et qu'on a une limite de livres qu'on peut publier chaque année. Donc forcément, on choisit avec parcimonie. Et ça nous est arrivé donc une fois de sortir ces derniers temps un roman Legends, qui était le cas de Chevalier Errant. Je ne sais pas si vous l'aviez vu passer. Si, ça me parle. Donc c'est aussi un roman de John Jackson Miller, donc le même qui a écrit Kenobi. Et puis donc Chevalier Errant, c'est pareil, c'est un crossover avec des comics, parce que il y a trois tomes qui ont été aussi écrits par John Jackson Miller, qui vient du comics lui, qui est scénariste de comics à la base, et qui a écrit donc autour de ce roman aussi trois albums. Et voilà, donc c'est là aussi on se projette dans un passé lointain où on est à l'époque où les sites existaient à profusion, et donc avant la règle des deux. Et on a au milieu de tous ces sites une chevalier Jedi qui se retrouve errante au milieu de ces sites-là, parce qu'elle a été... Elle s'est retrouvée lors d'une mission. Elle perd son. Elle est padawan et elle perd son maître qui meurt. Et en fait, elle se retrouve bloquée dans ces systèmes-là qui sont tenus par les sites. Bon, voilà. Après, j'en dis pas plus, mais c'est très chouette. C'est assez limité en termes géographiques et historiques. C'est tout un lore qui a été inventé par John Jackson Miller, qui a été développé du coup de façon visuelle dans les comics aussi. Donc c'est très chouette. Donc là, on avait réussi à le placer. Après, il y a d'autres complications qui sont... Voilà, je vous passe les détails parce que c'est des ramifications à n'en plus finir entre le Legends et le comics. Mais en gros, c'est complexe. Et on garde en tête on sait très bien quels sont les titres les plus attendus, les plus demandés, ceux qu'on aimerait faire, les intégrales qu'on aimerait sortir et tout. Et voilà, dès que ça sera possible, vous serez au courant, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, c'est pas pour tout de suite, mais on n'oublie pas. C'est tout ce que je peux vous dire. D'accord. Bon, bah, je vais prendre, hein. Je vais prendre l'information comme ça. Et la dernière question qui est intéressante, c'est en tant que fan de Star Wars, comment tu gères le fait de travailler pour Star Wars ? Est-ce qu'à un moment, tu n'arrives pas sur une overdose ? Ah, bonne question. Alors, bon, moi, j'ai toujours été une fan de Star Wars assez... un peu excessive. C'est-à-dire que moi, quand j'ai découvert Star Wars, j'avais 10 ans. On m'avait offert le coffret avec les novélisations 4, 5, 6, et puis qui s'appelait 1, 2, 3 à ce moment-là. Et puis il y avait un tome 4 dans ce coffret, et ce tome 4 c'était le premier roman de Timothy Zahn, Héritier de l'Empire, le premier de la trilogie de la Croisade Noire du Jedi Fou. et que ça a été vraiment le premier pas dans un autre monde, quoi. C'est exactement ce que dit Obi-Wan Kenobi à Luke, tu fais ton premier pas, et voilà, ça a été ça pour moi. À partir de là, j'ai été vraiment dans un... dans une lecture boulimique de tous les bouquins qui sortaient jusqu'à la fin des années 90. Et voilà, je lisais tout ce qui sortait. C'est un peu ce que je retrouve aujourd'hui, en fait, parce que donc, j'ai arrêté de lire après pendant une dizaine d'années. Et puis j'y suis retournée parce que j'ai eu l'occasion dans mon métier de traductrice, parce que je suis traductrice à la base. J'ai eu l'occasion de traduire pour la Bibliothèque Verte une des novélisations de Star Wars au moment de la sortie en 3D sur les écrans de La Menace Fantôme. Le seul titre 3D qui sera sorti au final, juste avant le rachat par Disney. Et donc, comme on partait sur l'idée qu'on aurait tous les épisodes qui seraient adaptés en 3D et qui repasseraient au cinéma, la Bibliothèque Verte chez Hachette s'est dit « Ah ben, on va sortir toutes les novélisations » et donc ils m'ont demandé de faire ça. Il y avait aussi des petits livres qui s'appelaient « La biographie de Luke Skywalker, de Obi-Wan Kenobi, de Dark Maul » qui sortaient aussi à ce moment-là. Et en fait, je leur ai sauté dessus, je leur ai dit « Hey, je veux les faire, ceux-là, c'est Star Wars, c'est toute mon enfance, mon adolescence, j'adorerais faire ça, quoi. » Donc je me suis lancée là-dedans. Et puis après, il y a eu le rachat par Disney, et ça a été vraiment une boule de neige. Tous les titres qui ont commencé à foisonner. On a vraiment eu l'expérience d'un renouveau. Et voilà, et rien que pour ça, je remercie la souris aux grandes oreilles, parce que elle nous a permis de... Là-dessus, j'aurais une question, vu que tu es à l'intérieur. C'est plutôt sur les chiffres. Du coup, est-ce qu'il y a eu... Chiffres. Ouais, est-ce qu'il y a une différence? Parce que pour moi, l'univers étendu, au moins littéraire, il restait quand même assez confidentiel, on va dire. Et est-ce que depuis le rachat, tout ce qui est sorti se vend mieux, en fait? Je pense qu'il y a eu une grosse attente. Il y a eu une grosse attente au moment de la nouvelle trilogie. Donc, on s'est mis à sortir énormément de livres, mais vraiment beaucoup, par rapport à ce qui se faisait justement dans les années 90-2000. On s'est mis à sortir énormément de livres d'un coup. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est pas parce qu'il y avait des films Star Wars que les lecteurs allaient aussi. Enfin, que les fans des films allaient se mettre tout d'un coup à lire les livres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on expérimente en France par rapport aux États-Unis où les romans sont des New York Times best-sellers. En France, ça reste assez confidentiel. C'est resté confidentiel dans les années 90-2000. Il y a eu vraiment une grosse attente au moment de la nouvelle trilogie, en se disant on va avoir vraiment beaucoup plus de lecteurs. Et au final, il y a eu bien sûr une augmentation, mais comme il y a eu une augmentation du nombre de livres aussi, il y a eu peut-être un... les gens n'achetaient pas tout. Et donc, ça s'éparpillait beaucoup plus, le lectorat s'éparpillait. Et en fait, en réduisant le nombre de titres, c'est pour ça que j'expliquais qu'on a un nombre de titres limité, c'est pas pour rien, c'est aussi parce qu'on se rend compte que trop de Star Wars tue le Star Wars. Il faut aussi savoir rester raisonnable pour que quelqu'un qui voudrait tout lire puisse le faire en ayant le temps d'acheter, de lire et d'acheter le suivant, quoi. Il faut pas non plus qu'il ait une pile à lire qui s'accumule sur sa table de chevet, même si c'est souvent le cas quand même, mais si on en sort trop en même temps, les gens finissent par choisir, en fait, et ne pas tout acheter. Donc il y a aussi cette réflexion-là qui a été de se dire on va revenir à un nombre un peu plus réduit. De fait, on avait une baisse en termes de vente qui se faisait... ça a été vraiment à fond au moment de la sortie de l'épisode 7. Et puis après, il y a eu une baisse. Là, on expérimente une remontée en force, en fait, du nombre de lecteurs. Ça, on est vraiment super contents. Et c'est entre autres lié aux séries, je pense. Comme le Mandalorian, qui, par exemple, a fait la part belle à des personnages comme Ahsoka, comme le grand amiral Thrawn, qui a été nommé juste une fois, mais ça a suffi à faire bondir nos ventes de Thrawn, parce que il s'est trouvé que pile au moment où il y a eu cet épisode qui est sorti, on sortait notre tome 3 de la trilogie de Thrawn canon, quoi. Donc c'est vraiment énorme coup de bol pour nous, c'est sorti pile à ce moment-là. Donc les gens se disaient, mais c'est qui le grand Amir Asrone ? Ils tapaient un truc et hop, ils voyaient notre pub pour notre nouveau bouquin, quoi. Donc c'était vraiment, bon, gros coup de bol de pour notre côté. Et donc voilà, il y a eu ça. Et puis il y a eu plein de petites choses qui ont été dans Mandalorian, qui ont été semées dans l'histoire. Ils ont parlé de l'opération Cendre, qui est un thème vachement important dans le nouveau canon sur l'après Endor. Et comment est-ce que l'Empire a fini par... Enfin, voilà, quel était le plan de contingence de Palpatine après sa mort, etc. Donc ça, c'est toutes des choses qui ont été vraiment développées dans le nouveau canon, qui sont passionnantes et qui ont été un peu semées comme ça dans les séries. Donc je pense à Mandalorian, bien sûr, mais il y a même dans la saison 7 de The Clone Wars, dans Bad Batch aussi. Enfin, il y a plein de petites choses qui... à chaque fois renvoie les gens qui aiment juste les séries et les films, ben, ça les pousse à aller voir un peu plus loin et d'aller vers l'univers étendu. Ce qu'on n'avait pas du tout avant, quoi. C'était... Ouais, c'était trop décousu, ouais. Ouais, puis disons que George Lucas, il a jamais... Enfin, il a toujours été clair comme quoi l'univers étendu littéraire, bon, il acceptait que ça existe, mais ça allait jamais, lui... le forcer à raconter des histoires qui soient pas comme il veut, quoi. Donc la prélogie en son temps avait déjà fait pas mal de retcon, et puis ce qu'il imaginait de la suite des épisodes 7, 8, 9 n'avait aucun rapport avec ce qui avait été écrit en roman, hein. Il faut pas croire que c'est Disney qui a tout cassé, hein. C'est, si Lucas avait gardé la main sur la postlogie, c'est pareil, l'univers étendu littéraire n'aurait pas été conservé. Donc voilà, il ne faut pas penser que c'est Disney qui est venu casser quoi que ce soit. C'était une nécessité liée au format cinématographique. C'était compliqué quand même d'aller raconter une centaine de livres en trois films, ou en tout cas de les résumer en début de film. Voilà, donc... du coup, je sais plus, je me suis perdue dans mon histoire. Mais Non, mais t'as répondu tout complètement. Tout ça pour dire, oui, voilà, si, au niveau des bouquins, que ça, on l'a, nous, on est en train de voir une remontée du nombre de lecteurs et de ventes, et on est vraiment très contents avec ça. Et puis, il y a la Haute République aussi qui attire, qui plaît beaucoup, qui a intéressé de façon plus large. Puis tous les gens qui se disaient, oh là là, moi, je me sens pas de me lancer dans le canon, parce qu'il y a déjà... une trentaine de livres, je sais pas par où commencer. Moi, pour le coup, enfin, je peux parler d'expérience. Enfin, on en a déjà parlé dans des précédents podcasts, mais l'univers étendu, je m'y suis mis très tardivement et en fait, pré-Disney, j'entends. J'ai la trilogie de Timothy Zahn, j'ai quelques comics, mais effectivement, quand Disney a dit bon ben, on fait un reset et tout ce qui va sortir à partir de maintenant sera canon. Moi, ça m'a fait plaisir quelque part, puisque je me suis dit que bon, ben là, je pourrais partir à zéro. J'ai une situation financière stable. Je vais pouvoir acheter les comics qui me plaisent au fur et à mesure, les bouquins qui sortent. Donc oui, je me reconnais typiquement dans ce profil-là. Ouais. Bah c'est ça. Mais après, maintenant, le canon, il a déjà quelques années, et en fait, il y a déjà une trentaine de livres sortis, quoi. Ouais, mais d'ailleurs, qui sont pas toujours réédités, quoi. Il y a, oui. Y en a certains, c'est galère de les trouver, genre Tarkin, tout ça. Là. Je crois que c'est Marion qui m'avait abîmé Catalyzer et qu'elle a pleuré pour le trouver sur Vinted à un prix raisonnable. Ah voilà, c'est ça, ouais. Catalyzer, mais Catalyzer, il est toujours en vente, hein. Alors c'est étrange, mais peut-être que de temps en temps il peut y avoir des petites... Mais ça c'est les gens qui n'achètent que sur Amazon. Vous savez, il faut aller en librairie, hein. Parce que ça arrive que Amazon lui se retrouve en rupture de stock et puis que le temps d'être à nouveau fourni, il faille attendre quelques semaines. Alors parfois il vous prévient, il vous dit voilà, en attente d'être fourni d'ici deux semaines, mais parfois ils ne le disent pas, mais... Et en fait, c'est des livres qui sont normalement trouvables dans toutes les librairies, qui sont en stock dans beaucoup de librairies. Donc il ne faut pas hésiter aussi à aller demander au libraire du coin, à la FNAC du coin, pour savoir s'ils ont pas ça en stock. Parce que ce sont des livres, tous les livres du canon sont renouvelés, sont réimprimés. Donc il n'y a pas de raison que certains soient en rupture. Après, le légende, ça c'est différent. Il y en a certains qui sont en rupture, mais au niveau du canon, normalement, tout est renouvelé. D'accord. Ok, et parfait. Pareil pour Tarkin, hein. Oui, après, ça fait, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les tarifs, mais c'est vrai que si tout est renouvelé, ce n'est pas plus mal. Oh ouais, donc ils sont à 9,50, même peut-être les anciens sont plutôt autour de 8,60. Donc, ouais, voilà, Tarkin est à 8,70. Voilà. Du coup, j'ai juste deux dernières petites questions qui me viennent à l'esprit comme ça. Alors, c'est des questions très rapides, hein, tu vas voir. Ça va être une question de choix. C'est vraiment très, très, très rapide. On va commencer par le Legend. Si tu dois garder un bouquin du Legend, ou, allez, une petite série du Legend, qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que je garde du Legends? Après, ça va être tellement téléphoné ce que je vais dire. si, ça sera la trilogie de Timothy Zahn, hein, forcément. Enfin, c'était tellement celle qui a. Mais oui, Maharajad, quoi, meilleur personnage. Voilà, Thrawn, meilleur méchant, quoi. C'est voilà, obligé de garder Luke ça. Luke est développé, Thrawn est introduit, Anne et Leia sont amoureux comme jamais. Enfin, je veux dire, bon. C'est vraiment celle où il y a tout et celle qui a tout débuté. Et après, j'ai plein de coups de cœur dans tous les sens. Mais s'il fallait que j'en garde qu'une, ouais, ça serait ça, c'est sûr. Donc voilà. Et du coup, même question, mais dans l'univers étendu, quel est le seul roman que tu gardes dans tout ce qui est sorti? Ben, je pense que ça serait... c'est dur, hein. Ah oui, non, mais à un moment... Je suis en train de les regarder, amoureusement, pendant que vous me posez cette question. J'ai les yeux dessus, là, et je me dis « Ah, quel bébé je garde !» Moi, je pense que ça serait La Lumière des Jedi. Vraiment, parce que ça a été mon dernier gros coup de cœur. Parce que tu disais, tu te posais la question s'il n'y avait pas un effet too much au bout d'un moment. Est-ce qu'on finissait pas par être lassé par Star Wars? Et voilà. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est de continuer à apprécier les livres quand on travaille dessus. Alors parfois, je travaille dessus en tant que traductrice. Pour les nouveaux romans Thrawn, par exemple, c'est moi qui les traduis. Tarkin, c'est moi qui les traduis. Lien du sang aussi. Et voilà, c'est des livres que j'ai appréciés beaucoup. Et en même temps, bah, tu les découvres de manière un peu médicale. Je sais pas, c'est des gens que tu apprends à découvrir sur... professionnel, ouais. Ouais, c'est ça, en les découpant, les décortiquant et tout ça. Et donc, du coup, c'est pas la même chose qu'un bon petit bouquin que tu découvres et que tu te laisses porter par l'histoire. Et voilà. Donc ça, c'est le côté un peu négatif du métier. C'est-à-dire qu'on a la chance de tout lire, mais voilà. Et en fait, pour La Lumière des Jedi, je l'ai eu un peu avant la sortie. Donc j'ai sauté dessus et je l'ai bouquiné, mais je me suis pas arrêtée, quoi. Je l'ai lu d'une traite. Sans trop me poser de questions de traduction, alors que je l'ai traduit en binôme avec Sandy Julien, donc on devait le traduire quand même, et assez rapidement en plus, parce qu'on l'a sorti 2 mois après les Américains, donc ça a été vraiment très rapide. Mais par contre, j'ai réussi à le lire d'une seule traite, et j'étais happée par l'histoire comme jamais. Et ça faisait un petit temps que ça m'était pas arrivé. Alors après, il y a d'autres plaisirs dans les livres de Star Wars. T'es pas obligé d'être happé, voilà. Mais là, il y avait un rythme, il y avait une nouveauté, il y avait des Jedi comme on les a jamais vus, qui m'ont complètement séduit et qui m'ont fait redevenir lectrice, quoi. Et pas seulement directrice de collection ou traductrice. Et ça, c'était vachement agréable. Donc je vais dire lui. Mais après, bon, c'est impossible comme question là, que vous me posez. Non, mais il faut, de temps en temps, ce genre de questions, au moins, c'est tranché, on ne peut pas revenir en arrière, on sait vers quoi on va. Nébu, une toute dernière question ou... Non, pour moi, on a fait le tour. Je pense que non, on pourrait encore en parler pendant des milliers d'heures, mais là, ce ne serait pas raisonnable. En fait. Oui, c'est sûr. Bon, du coup, je vous remercie à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Je remercie notre invité d'être venu et d'avoir partagé Star Wars avec nous pendant près de 2 heures, alors que je lui avais dit, oh, généralement chez nous, ça dure 1 heure, 2 heures grand max. Mais... Ouais, c'est un peu ma faute aussi, je suis bavarde. Non, mais il n'y a aucun problème. J'espère en tout cas que ça t'a plu. Ah oui, carrément, carrément. Puis j'aime toujours parler de tous ces livres, donc c'est une joie. Et puis voilà, donc du coup je vous libère tous et je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée ou une bonne journée et puis à très très bientôt dans un nouveau débat comics. Que la force soit avec vous. Au revoir.